Yippee-ki-yay, motherfucker. T'es non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Kick Morant is dead. You know, we're sitting here, you and I are like a couple of regular fellas. You do what you do, I do what I gotta do. And now that we've been face to face, if I'm there and I gotta put you away, I won't like it. But I'll tell you, if it's between you and some poor bastard whose wife you're gonna turn into a widow, brother, you are going down. There's a flip side to that coin. What if you do got me boxed in, and I gotta put you down? Because no matter what, you will not get my way. We've been face to face, yeah. But I will not hesitate, not for a second. Maybe that's the way it'll be. Or, who knows? Or maybe we'll never see each other again. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs cinéphiles, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile, qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Je suis bien entouré avec Manu. Salut Olivier. Lucien. Salut Olivier. Et moi-même, Olivier Grinard, nous sommes ce soir, au nom de Transmission, extrêmement heureux et extrêmement fier de recevoir Jean-Baptiste Toré derrière notre micro. Merci Jean-Baptiste, bonjour, merci d'être là. Bonsoir à tous les trois et bonsoir à Transmission. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir. Merci beaucoup aussi, nous sommes aujourd'hui dans les studios de Radio Rectangle, merci beaucoup à Radio Rectangle et à Benjamin. Alors, si on te reçoit aujourd'hui, Jean-Baptiste, c'est à l'occasion de la parution de ce livre Somme, n'est-ce pas, qu'on attend depuis quelques années quand même maintenant, Michael Mann, Mirage du Contemporain, qui vient de sortir chez Flammarion, et tu nous as fait le plaisir de ta présence dans le cadre d'une tournée promotionnelle autour de la sortie de ce livre. La première question, ce sera par rapport à la structure donc, du livre que tu as écrit et que tu sors ces jours-ci. Ton livre commence de manière relativement chronologique et puis ensuite, tu vas regrouper certains titres ensemble, notamment Ali et Le Dernier des Mohicans sur la question de l'histoire. Puis ensuite, il y a Collateral et Hit qui sont regroupés également ensemble sur la question du professionnalisme notamment. Je voulais savoir comment cette structure était arrivée en fait. Bon, en fait, la structure, c'est toujours compliqué parce que quand on se met à écrire un livre, a priori, moi, j'aime pas trop les structures chronologiques. En fait, je pense que dans sa tête, on a toujours, mais c'est quelque chose qui vient même avant les livres, je pense qu'il y a deux manières d'aborder l'histoire du cinéma. Il y a l'histoire chronologique, bête et méchante, c'est-à-dire qu'un film à l'état civil de l'année où il a été réalisé. Donc il y a beaucoup d'histoires du cinéma qui sont faites comme ça, années 10, années 30, années 50, etc. On va par décennies, du début à la fin. Et puis il y a une autre histoire qui, moi, m'intéresse plus, non pas qu'elle remplace l'autre, mais je pense qu'elle est complémentaire et quand une doit prendre le dessus, c'est celle-là, c'est l'histoire des formes. Ça veut dire que moi, ce qui m'intéresse toujours, mais c'est vrai dans des livres ou en règle générale, c'est en fait de toujours combiner les deux. De me dire qu'il y a des moments où passer par l'histoire des formes, c'est plus intéressant, en fait, c'est plus pertinent que de rester sur la simple histoire chronologique. Donc pour moi, le conducteur au départ, c'est vraiment ça. Me dire, je vais commencer au début, parce que Michael Mann, en plus, il a une œuvre qui se prête assez bien, dans un premier temps, à une approche chronologique, puisqu'il y a vraiment des thèmes qu'il va développer, qu'il va parfaire, y a une sorte de cohérence. En tout cas, il est parti d'un point A et il est arrivé pour l'instant à un point B. Et il a une œuvre qui permet ça, première chose. Et deuxième chose, moi, ce qui m'intéresse aussi dans cette première approche chronologique-là, c'est qu'elle permet d'établir de grandes bornes. Parce que chez lui, le temps a aussi découpé des périodes esthétiques. C'est-à-dire que le fait de se dire, par exemple, moi, ce qui est ma conviction, qu'il y a une première partie qui irait du solitaire à Hit, il se trouve que, de point de vue de l'histoire des formes et du point de vue de l'histoire chronologique, on est totalement raccord. C'est la même chose. Il y a une première période. Et la deuxième qui s'ouvrirait à partir de Révélation en 99 jusqu'à aujourd'hui, dont on peut penser que c'est une période qui n'est pas encore finie. Après, du point de vue de la structure, y avait un écueil qu'il fallait, à mon avis, éviter, qui était en gros le syndrome 2001 quand on écrit sur Kubrick. C'est-à-dire l'espèce d'éléphant au milieu du magasin de porcelaine qui s'appelle Hit. Et d'autant que pour moi, c'est pas tant un éléphant que ça. C'est-à-dire que c'est un film, à mon avis, un des deux, trois films les plus importants de Michael Mann. Mais j'aime vraiment Michael Mann dans son ensemble. Pour moi, il y a une cohérence et j'ai pas le sentiment qu'il n'aurait, à la limite, il n'aurait pas fait Hit. Je peux le dire presque aujourd'hui. J'aurais quand même fait un livre sur Michael Mann. Vous voyez? Alors qu'il y a certains auteurs, on y va parce qu'il y a un film qui vous emporte dans l'œuvre. Et on se dit, mais s'il n'y avait pas eu ce film-là, est-ce que j'aurais vraiment écrit un livre? C'est l'élément déclencheur, quoi. Oui, c'est l'élément, c'est important l'élément déclencheur, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas Hit, voilà, chef-d'œuvre, la révélation, puis et puis à côté des films plus ou moins mineurs. Pour moi, tout se tient, tout est très important. Donc l'écueil, c'est un peu ça, de se dire que il va y avoir le livre organisé autour du moment Hit, qui lui prendra une place colossale. Je pense notamment, j'ai l'exemple du bouquin qu'a écrit Michel Chion sur Kubrick au Cahier. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre. Bref. Qui est un livre, et on voit bien que Michel Chion adore 2001, et 2001 l'a conduit à Kubrick. Voilà. Donc c'est plus un livre sur 2001 et le reste que sur l'œuvre de Stanley Kubrick. Ce qui fait qu'on a, 80 pages sur Shining, 20 pages sur Docteur Follamour et 250 pages sur 2001. Donc il faut, voilà, c'est un peu l'écueil, c'est un peu pour moi l'écueil à éviter. Non pas de mon point de vue, parce que je trouve qu'il y a une forme d'équilibre qualitativement parlant dans l'œuvre de Michael Mann qui ne me posait aucun problème. Mais je sais, et il n'y a qu'à voir la plupart du temps lorsque des livres sur Michael Mann sont faits, quelle est la couve qui est utilisée. 9 fois sur 10, c'est un photogramme de 8 et c'est même un photogramme particulier de Hit. Alors la deuxième chose, j'essaie de faire des réponses pas trop longues, là je suis hors les clous, je le sens. Vas-y, on a le temps. On a le temps, mais non, la deuxième chose qui pour moi était très importante, qui peut sembler un peu étrange, mais pour moi qui l'était, c'était la question du plan océanique. C'est-à-dire que de me dire, voilà, la plupart des gens qui connaissent un peu Michael Mann, ou à peine, il y a une chose qu'ils peuvent repérer, c'est ce fameux plan qui a servi maintenant d'emblème visuel à l'œuvre de Michael Mann. Et il y en a plusieurs dans son œuvre, mais le plus connu étant De Niro, au début de Hit, qui vient poser son holster, se dirige dans son appartement, se dirige vers la vitre, regarde l'océan Pacifique, etc. Un moment de stase, de pause, on pourrait dire existentielle, mélancolique, voilà, dans le film. Chose que Michael Mann reproduira à nombreuses reprises, mais c'est la première fois que ce plan-là apparaît de façon constituée dans l'œuvre de Michael Mann. Il y a des prémices, il y a des essais, il y a des brouillons, évidemment, dans Le Solitaire, dans Manhunter, etc. Mais en tant qu'emblème visuel, c'est là qu'il est constitué, c'est dans Hit. Et je me suis dit, ça va être très important, en fait, du point de vue de la réflexion et de l'histoire des formes que je vais me faire de Michael Mann, ça va être très important de savoir à quel endroit je vais placer ou je vais élucider ce plan-là. C'est-à-dire que si j'avais commencé le livre très rapidement, au bout de 15, 20, 30 pages, avec ce que j'appelle le plan océanique, mais on peut l'appeler comme on veut, c'est-à-dire que je n'aurais pas écrit la même chose que si je l'avais mis, et ce qui sera le cas finalement, à la fin. C'est-à-dire que moi, je voulais que ce plan emblématique n'ouvre pas en fait, le livre sur Mann, mais qu'il n'apparaisse qu'à la fin et qu'on le lise à l'aune des 350 pages qu'on a lues auparavant. Ce qui, pour moi, change absolument tout. Moi, je crois que c'est comme quand on fait un film, le montage, c'est capital. Hein, et un livre, c'est faire du montage. Et c'est de se dire quel va être l'impact auprès du lecteur, parce qu'on écrit quand même a priori pour un lecteur, et donc pour soi, parce qu'en réalité, on pense d'abord à soi, le lecteur, on s'en fout. Si on est raccord avec soi-même, le lecteur, il viendra. Mais quel va être l'impact, en fait, de ce chapitre sur le plan océanique, en fonction de l'endroit où je le mets dans le livre. Et pour moi, c'était très important qu'on atteigne à la fin, à la toute fin du livre, finalement, ce qui est presque le plus connu visuellement de Michael Mann. Mais comme on sera passé par pas mal d'aventures formelles, etc. auparavant, je me dis que ce plan-là, il aura, enfin, ce chapitre-là aura un plan, aura un sens particulier. Et donc le livre se termine par ça. Et ça fait partie, vous voyez, des petits guides que vous avez quand vous écrivez. Après la découpe, que ce soit la fabrique de l'histoire, les professionnels, c'est des choses qu'on a en tête où on mélange à la fois la chronologie et l'histoire des formes. L'idée de la chronologie, c'est qu'au début, pour moi, c'est un entonnoir. C'est-à-dire qu'au début, vous commencez avec « il est né », il vient de là, voilà ses débuts, qu'est-ce qu'il fait, il écrit la télévision, mais le parcours de Michael Mann, c'est comme le parcours de n'importe quel homme, c'est-à-dire qu'au début, il y a une seule ligne, et puis une deuxième ligne arrive, une troisième, et à la fin, c'est une harpe, et donc il faut jouer de toutes les cordes en même temps. C'est pour ça que plus on progresse dans le livre, plus la chronologie se dissout un peu à l'intérieur d'une histoire des formes générales, ce qui fait qu'une fois que j'ai parlé d'abord, par exemple, de Jericho Mile, son premier téléfilm en 79, et puis du solitaire et de la forteresse noire et Manhunter, au fur et à mesure, d'une certaine manière, il y a un effet palimpseste du livre lui-même. C'est-à-dire qu'on se retrouve à la page 150 à pouvoir parler comme si on les avait en tête des 3, 4, 5 premiers films en même temps. Et plus le livre avance, plus il devient choral. Est-ce que c'est pour cette, un peu pour cette raison que la couverture du livre vient être tirée de son dernier film contradiction avec le livre de Dini qui commençait, enfin dont la couverture était ce fameux plan océanique avec le. Mais oui. Hit. Alors je savais en fait, moi, pour la couverture, je savais que je ne voulais pas que ce soit Hit en couverture. Voilà. Première, on peut soit on va vers un photogramme ou un film qu'on a envie de défendre, soit on a tout de suite une sorte d'interdit qu'on se pose en me disant je ne sais pas, mais par contre ça sera pas Hit. Voilà. Pour les raisons que je vous expliquais au début, voilà, je trouvais que c'était, j'avais pas envie j'avais presque envie qu'il y ait un effet de surprise et surtout cette idée que Hit c'est un film quand même qui date de 95, donc qui a 25 ans, et c'est aussi une façon d'une certaine manière d'immobiliser l'œuvre de Michael Mann à un film qui a 25 ans alors qu'il en a réalisé d'autres depuis qui sont absolument formidables. Et c'est ça que j'aime quand on écrit sur un cinéaste vivant, c'est de se dire que prenant le photographe de son dernier film, on l'inscrit dans une histoire qui est encore à écrire. Alors que si on se dit qu'Hit est le film emblématique de Michael Mann, bah, c'est plus à peine que Mann continue de tourner en fait. Pourquoi il tourne depuis Hit, puisque de toute façon, il a fait son œuvre magistrale à ce moment-là. Donc, c'était aussi important pour moi. Et puis, même, ça, c'est complètement accessoire, mais je savais que Mann, qui attendait, qui était au courant que j'écrivais le livre, etc., je savais qu'il serait sensible à ça. Aussi, le fait que je ne sois pas, comme tout le monde, braqué sur Hit en me disant, bon, tu peux faire tout ce que tu veux derrière, mais en fait, ton grand œuvre, c'est ça. Le syndrome de l'objet, enfin, je pense à ça, ça n'a rien à voir, mais un peu quand même, je pense à, dans le cas d'Argento avec Suspiria, dans le cas de, je pense à un type comme Toby Hooper, qui est peut-être l'archétype absolu de ça, dont le deuxième film restera le dernier pour plein de gens, alors qu'il a eu toute une carrière, mais pendant 50 ans, il s'est retrouvé à parler de Massacre à la tronçonneuse. Et donc, voilà, pour moi, l'œuvre de Michael Mann, elle dépasse largement le cadre d'un seul film, aussi emblématique soit-il. Donc, c'était un peu ça, l'idée de la couverture. Et puis moi, Black Cat m'intéressait parce que je cherchais une couverture avec un film qui soit identifiable par les initiés et pas tant que ça en réalité. C'est-à-dire que beaucoup de gens, d'abord Black Cat a été un film qui n'a pas énormément marché, beaucoup de gens ne l'ont pas vu. Et j'aimais cette idée que c'est plus l'univers de Michael Mann qu'on convoque à travers un photogramme de Black Cat que un photogramme de Black Cat qui clignote en disant c'est ce film-là. Ça m'intéressait. Et puis ces espèces de blocs de béton, donc un photogramme tiré d'une séquence qui se passe à Hong Kong. Ça me plaisait parce qu'il y avait aussi tout le rapport au slot informatique, à la modernité de Mann, à la façon dont il est aussi en prise avec quelque chose. Et puis les mirages, parce que c'est aussi bien parfois quand la couverture raconte un tout petit peu le sous-titre. Tout on n'a pas parlé, mais c'est quand même capital. Parce que tant qu'il n'y a pas le sous-titre, il n'y a pas de livre, pas pour moi. Et donc voilà. Et il y avait aussi cette espèce d'effet miroir, ou en tout cas de mirage incorporé même dans la photographie. Mais de toute façon, les mirages, j'imagine qu'on va les développer tout au long de cette émission, puisqu'on va passer parler plus précisément de Michael Mann maintenant et de sa carrière, et des thèmes aussi qui traversent sa carrière. D'abord, pour le resituer, donc, il est né en 1943 à Chicago, et on va aller très vite vers cette question de l'anachronisme. Pourquoi très vite? Non, juste parce que ça, c'est quelque chose qui va structurer son œuvre. J'ai l'impression, ce fait que lui, il va faire ses films plus tard. Plus tard que les autres, étant donné qu'il est que les autres, les cinéastes du Nouvel Hollywood, les cinéastes de sa génération, lui va commencer beaucoup plus tard, donc en 80 avec son premier long métrage. Et puis après, il va avoir toute une phase où il va travailler à la télévision pendant très longtemps. Et donc, qu'est-ce que ça produit ? En fait, qu'est-ce que ce retard produit sur son œuvre ? Et je voulais savoir, tu as appelé récemment dans une intervention que tu as faite, tu as dit une très belle formule qui était « Michael Mann, c'est le cinéaste du temps qui manque ». Je voulais voir un petit peu... Est-ce que j'ai tort, à ton avis ? Non, parce qu'on a vu Le Solitaire hier soir et James Caan a encore confirmé en disant qu'il était « out of time ». Oui, non, mais je pense que ce retard, on pourrait dire originel, mais qui est un retard fondateur. Certains cinéastes auraient tenté de l'oublier ou de l'oblitérer, de l'édulcorer, enfin peu importe. Michael Mann en a fait une force. C'est-à-dire qu'en fait, il en a fait le principe même structurant de son cinéma. C'est pour ça que l'anachronisme qu'il faut prendre au sens strict, hein, c'est pas du tout un qualificatif, c'est pas un jugement de valeur péjoratif ou autre. Ça va être anachronique, c'est formidable par moment d'être anachronique. Et moi, je pense qu'on l'est tous sans le savoir en réalité. Mais lui, il en a eu conscience extrêmement parce que lorsqu'il arrive en fait sur la planète cinéma, il peut enfin réaliser son rêve. Il a le sentiment d'emblée, c'est comme ça, qu'il arrive un peu tard. Alors trop tard, mais il arrive un peu tard. Il arrive en retard en réalité de ses contemporains. Voilà. Et donc ce retard, c'est quelque chose qui va introduire, qui va encoder dans tous ses scénarios. C'est intéressant de voir que dans son premier film, L'homme à 38 ans, c'est pas Mean Street. C'est-à-dire que quand Scorsese fait un film en 73, il prend des gens de sa génération, parlant de sa génération à lui. Donc, lui, Scorsese, là, pour le coup, se sent à l'heure de son époque. Voilà, on a vraiment, aussi bien en termes d'énergie, l'énergie du début des années 70, qu'une bande d'acteurs, d'inconnus, etc., etc. C'est intéressant de voir, je prends l'exemple de Scorsese, mais il y en aurait plein d'autres comme ça, ou Terrence Malick quand il fait La Balade sauvage. C'est des gens, ou Dennis Hopper, évidemment, c'est des gens qui vont chercher, qui se sentent totalement en phase avec leur époque. Donc, ils vont à la fois tenter de retranscrire leur énergie, les thèmes, les désirs, les rêves de l'époque, avec des gens de leur génération. Ce qui est intéressant avec Michael Mann, c'est qu'il commence en prenant James Caan. Pour moi, il y a un cinéaste qui est par moments assez proche, et ça n'a rien à voir avec moi, qui est le cas Michael Cimino, lorsqu'il fait Le Canard d'or, et qui va chercher, oui, Jeff Bridges, mais Eastwood. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui vont chercher les vieux, pour faire court. Donc, soit on se dit, ils n'aiment pas les acteurs de leur génération. Je pense que ce n'est pas vrai. Je pense que Mann se sent extrêmement proche de l'humeur de James Caan. Et ce n'est pas du tout un problème d'âge, d'une certaine manière. C'est qu'il va chercher un acteur qui était actif terriblement dans les années 70, enfin, du Parrain, Rollerball, You're a Big Boy Now, enfin, tous ces films qu'on connaît de James Caan. En début des années 80, il marque un peu la carrière de Caan, marque un petit peu le pas. Donc, la question du retard, elle est centrale dans le cinéma de Michael Mann, puisque c'est ce qui va, on pourrait dire, informer tous ses récits, d'une certaine manière. C'est-à-dire, tous ces personnages sont des personnages qui se pensent en retard ou qui pensent qu'ils ont pris du retard sur quelque chose, qu'ils ont manqué quelque chose, qu'il y a du temps perdu à rattraper. Phrase célèbre, évidemment, de Gong Li, Colin Farrell, Time is luck. C'est-à-dire que, phrase qui est à l'identique déjà dans Manhunter. Hein, c'est que ce qui est fou avec Michael Mann, c'est de voir, certains diraient presque l'obstination, mais en tout cas la façon dont il ne cesse de reprendre aussi bien des motifs, on pourrait dire formels, qu'un type de personnage. Les personnages de Michael Mann n'ont quasiment pas évolué. En l'espace de 40 ans. Ils ont évolué au contact du monde qui lui-même a évolué. Mais en tant qu'individu, leurs valeurs, leur sentiment d'anachronisme, le sentiment d'être dépositeurs de valeurs qui n'ont plus cours, enfin toutes ces choses-là, ça n'a pas bougé. Là, pour le coup, et que ce soit des acteurs un peu plus jeunes ou un peu plus vieux, ça change strictement rien. Et y compris certaines lignes de dialogue qu'on retrouve à l'identique. C'est ça qui est complètement fascinant. Et je dirais même que lorsque il coécrit le script du Récidiviste, film de Hulu Grobar, 78, avec Dustin Hoffman, il y a un échange entre le personnage s'appelle Max Dembo dans le film, Dustin Hoffman et Teresa Russell. Entre les deux, on est en 78, qui est déjà une préparation de l'échange de Tuesday Weld et James Caan. Au mot près, ils se disent les mêmes choses. Et pourtant, Michael Mann n'est même pas crédité au générique, d'ailleurs. Et bien, c'est rétrospectivement la preuve qu'il a collaboré à tout ça. Et donc, on se dit que 78, en 78, ça fait déjà 6-7 ans qu'il a déjà écrit le script de Heat. Hein? Donc c'est vraiment quelqu'un qui a un processus de maturation extrêmement lent et poussé, en fait. Contrairement à beaucoup de cinéastes qui tombent amoureux d'un sujet ou d'un thème et qui s'y mettent, et 6 mois après, on est en tournage. Michael Mann, tout vient toujours de très très loin. D'où, d'une certaine manière, la qualité de son travail, on peut dire la profondeur aussi, à la fois du thème ou du sujet qui l'intéresse, des personnages. On parlait hier soir lors de la rencontre de Solitaire, par exemple, du travail préparatoire qu'il avait effectué sur le personnage de John Dillinger dans Public Enemy, ou la même chose quand il donne à Tom Cruise 150 ou 200 pages qui raconte toute la vie du personnage que va jouer Tom Cruise dans Collateral, avant que le film ne commence. La fratrie, comment s'appeler ses frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble, etc. C'est phénoménal. Or, quelqu'un ne peut pas, très concrètement, en 6 mois, abattre autant de travail en termes de préparation, d'écriture, de repérage, etc. Donc, chez Mann, il y a quand même toujours cette idée que tout vient de très très loin, parce qu'il a un côté un peu bête de guerre aussi, il faut quand même dire ce qu'il y a. C'est quelqu'un qui... Après, il n'y a pas de secret, c'est quelqu'un qui travaille énormément. Bon, ça c'est vrai dans la vie en général, hein, on peut accomplir des miracles, c'est difficile d'accomplir des miracles quand on ne travaille pas, quoi. Et dans le cas de Mann, c'est très important. Non mais juste, je termine juste pour dire que cette question en fait du retard, le fait d'être en retard sur quelque chose, autrement dit, c'était ce sentiment d'être toujours en décalage par rapport à l'époque dont on pense avoir été un peu privé, et en décalage par rapport à une époque qui vient et qui nous semble, d'une certaine manière, presque, mais presque extérieure à soi. C'est pour ça que le cas du Solitaire est évidemment intéressant, mais même le cas de Manhunter, c'est que Mann, c'est quelqu'un dont tous les films, on pourrait presque dire, métaphorisent le désir d'attraper deux temps contradictoires en même temps. C'est-à-dire se dire, il faut que je rattrape du temps perdu, j'ai pas pu faire ça, faut se dépêcher, faut aller vite, etc. Ce qui évidemment amène la pente un peu tragique du récit, mais c'est quand même ça l'idée. James Caan dans Solitaire, maintenant j'ai plus le temps, faut se dépêcher. Robert De Niro dans Heat, enfin voilà. Donc à la fois rattraper une époque qu'on a laissée filer, tenter d'aller revivre vite ce qu'on n'a pas vécu, et de l'autre côté ne pas se laisser dépasser par le contemporain. Hein, c'est comment être branché sur le contemporain, donc pour pas, comme on est victime, on pourrait dire structurellement, biographiquement, d'un retard contre lequel on peut rien. On a l'âge qu'on a, et puis l'époque qui est passée est passée. Donc ça, Mann n'y peut rien. Par contre, ce qu'il peut, c'est essayer de pas être en retard sur le présent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire il peut essayer de prendre de l'avance. C'est ça tout le cinéma de Michael Mann. Donc et comment ça se traduit, ça? Ça se traduit stylistiquement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va se dire, c'est la question, l'analyse du monde qui vient va être quelque chose qui me permettra éventuellement d'être en prise avec lui, voire d'être en avance. Et cette analyse-là, elle passe par une forme, et cette forme, elle passe par une technologie. Et d'où, c'est pas une obsession de geek, hein, de Michael Mann, pour toutes ces caméras, la RED numérique qui vont arriver, dont il va être un des premiers, on pourrait utilisateurs. Mais quand je dirais utilisateur, c'est un des premiers penseurs. Je ne suis pas d'utiliser une Viper ou une RED, et tout le monde le fait aujourd'hui, on voit bien le nombre d'images industrielles médiocres que ça produit. Non, Michael Mann, il va penser la technologie. Il se dit, la technologie arrive fin 90, début 2000, il y a un truc qui est en train de changer. Est-ce que ça, c'est pas l'outil génial pour justement mettre en scène cette espèce d'avance que j'ai envie de prendre, ou en tout cas ce retard que je ne veux pas prendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Absolument, mais ce qui est passionnant aussi, c'est que la plupart des autres cinéastes, enfin des cinéastes qui étaient vraiment dans le nouvel Hollywood, comme si Michael Mann avait un petit peu flotté au-dessus de ça, eux sont restés parfois plus embourbés à ce niveau-là et n'ont jamais réussi, en tout cas pour la plupart, à garder une contemporanéité qu'a Mann aujourd'hui, en fait. Oui, mais parce que tous ces cinéastes du nouvel Hollywood, c'est des cinéastes de leur temps et qui ont eu leur momentum dans les années 70. Alors on peut citer, on parlait de Friedkin, de Palma, de Schatzberg, de Scorsese. La liste est extrêmement longue, Bogdan. Bon, tous ces gens-là, ils ont vécu, on pourrait dire, leur acmé. Ils ont vécu ce moment génial que beaucoup de cinéastes aimeraient vivre. Et malheureusement, tous n'ont pas cette chance-là, d'alignement des planètes. Ils ont été jeunes, ils ont eu l'occasion, ils ont eu des idées, ils ont eu des nouveaux talents, ils ont eu l'histoire qui était pour eux. Voilà. Combien de fois les planètes sont liées au cours des 50 dernières années? Pas tant que ça. Les années 70, c'est génial comme décennie du point de vue du cinéma américain, pas uniquement parce qu'il y a des films géniaux, parce que la période est géniale, parce que la musique est géniale, parce que la mode est géniale, parce que les voitures sont géniales. Je veux dire, les Dodge Challenger, c'est pas des Renault Mégane. Donc, tout ça pour dire que on se retrouve avec une période dans les années 70 où ces cinéastes-là vont vivre leur moment de gloire. Michael Mann, lui, ce moment de gloire, il ne l'a pas vécu. Et je pense que ce manque-là, moi je pense que souvent les grands artistes travaillent à partir de quelque chose, d'un manque. Quand tout va bien, c'est pas. Enfin, les gens qui tout va bien, c'est pas très intéressant. C'est une nostalgie chez Mann. Bien sûr. Alors, c'est une nostalgie. C'est. Il l'a pas vécu. Donc, il l'a pas vécu. Donc, il a pas. Il y a une nostalgie pour des gens. Je pense à des gens comme Bogdanovich. J'ai été sur le toit du monde. J'ai eu du succès, etc., etc. La chose disparaît. Donc, je suis nostalgique d'un moment que j'ai connu. Mais Mann, il l'a pas connu. Donc, c'est un mélancolique. Vous voyez, pour moi, la différence, elle est capitale. Hein. Nostalgique, on devient vite un peu vieux con. C'est-à-dire que, bon, mélancolique, non, c'est au contraire une espèce d'impulsion et c'est un rapport au monde. Moi, je me dis toujours, dans un film de Michael Mann, être au monde chez Michael Mann, c'est être en retard. Et c'est bien de se dire ça, parce que c'est la meilleure chance d'être à l'heure, c'est de se dire qu'on est en retard. Les gens qui se disent « moi je suis à l'heure », c'est qu'ils sont complètement dépassés. Et moi je pense que Michael Mann raconte vraiment formidablement bien ça. C'est pour ça que c'est, comme tous les grands cinéastes, aussi des gens qui nous racontent bien plus que des histoires de gangsters, de professionnels, etc. C'est l'identification, à mon avis, des spectateurs aux personnages des films de Michael Mann, à part Edward Fein, qui lui voit comment est-ce que De Niro fait pour pouvoir braquer ses propres banques. Mais à part des exemples comme ça, on s'identifie. Moi, j'avais un prof de cinéma il y a très, très longtemps. Après avoir fait la fac, moi, j'ai fait une petite école de cinéma qui s'appelait l'ESRA. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est une école parisienne. Et il y avait dedans, dans cette école, un prof qui était un génie d'analyse filmique. Tarnowski, qui est décédé maintenant, enfin, depuis quelques années. Et qui disait toujours... c'est lui qui avait notamment aidé Florent Siri pour le scénario de Need Gap, etc., etc. Florent qui a suivi les mêmes cours que moi, enfin, peu importe. Et Jean-François Tarnowski avait dit un jour lors d'un cours quelque chose qui m'avait énormément frappé, et ça c'est il y a très très très longtemps, il m'avait dit en fait au cinéma on ne s'identifie pas à des personnages, à des individus, on s'identifie à des affects. C'est tellement vrai et c'est tellement important de l'avoir en tête. Ce qui fait que là, je suis devant un micro. Si d'un seul coup, je donne un affect au micro, je m'identifie au micro. C'est tout. Et donc, E.T., donc Christine, donc tout ça. C'est-à-dire que quand on ne comprend pas ça, on ne comprend pas grand-chose du processus, du rapport entre un spectateur et un film. Et Mann, d'une certaine manière, il a compris ça. C'est-à-dire que tous ces personnages, ça ne serait que des boxeurs, des cambrioleurs, chauffeurs de taxi. Bon, non, c'est l'affect auquel on s'identifie. Et là, on rentre dans la profondeur du cinéma de Michael Mann, et c'est un affect qui peut tous nous toucher. Le fait d'être en retard, l'adhérence à notre époque, l'adhérence au monde, la mélancolie, c'est ça ce à quoi on s'identifie dans les films de Michael Mann, ou dans Heat, pour reprendre cet exemple extrêmement connu. C'est à l'affect, à l'humeur un peu saturnienne de Robert De Niro dans Heat. C'est pas au fait qu'il braque des banques. Ça, c'est niveau zéro de l'identification. Là, on parle de la télévision, de toute manière. Sorry, I got my car parked in red. What the hell are you doing here? Finding you. Get away from me, okay? You are 2 hours late. I mean, I do not need this. I do not need to be humiliated. Wait a minute, I want to talk. No. Hey, you. I will take you for coffee and explain. I mean, what's the big goddamn deal? You take me anywhere. That's a big laugh. Look, maybe there is a reason. Do you ever think of that? Hey, I'm talking to you. Hey, take a walk, Flash, all right? Go on. Hey, what's up, baby? I don't know the reason. I don't want to hear the reason. There is no reason. That's all. That's it. Big goddamn look. You were looking forward to this, all right? Come on. Jean-Baptiste, dans votre livre, vous développez à plusieurs endroits l'influence qu'auraient eu les grands maîtres du muet en fait sur l'œuvre de Michael Mann. Vous citez notamment l'expressionnisme allemand, Murnau, mais aussi Dreyer lui-même. Je crois Michael Mann a cité l'influence que Eisenstein ou Vertov auraient eu sur lui. Je voulais savoir, Jean-Baptiste, comment est-ce que cette grande admiration, cette grande révérence pour le cinéma muet se manifestait en fait dans l'œuvre de Michael Mann, que ce soit dans son découpage ou dans justement l'affect qu'il transmettait et dont vous parliez il y a quelques instants. Alors, y a, je pense qu'il y a, dans ce que tu as dit, il y a trois choses. Il y a la question de l'expressionnisme, voilà, et sur laquelle il revient souvent et qui est peut-être l'influence la plus évidente ou manifeste en fait chez Michael Mann, dont La Forteresse Noire est un coming out. Pour faire court, même si le film a connu les problèmes qu'on sait, y compris la version mutilée qu'on peut voir aujourd'hui, il n'empêche qu'on comprend à ce moment-là que Michael Mann a envie, après ce film plutôt réaliste, encore dans la queue de comète des 70s, qu'est Le Solitaire, d'aller vers autre chose. Les Solitaires, c'est Voilà d'où je viens. La Forteresse Noire, c'est voilà presque une de mes influences capitales en tant que jeune cinéphile ou amoureux du cinéma. Donc l'expressionnisme, c'est évidemment, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est pas du tout l'expressionnisme au sens de Caligari, c'est-à-dire cette espèce, cette façon dont on pourrait déformer, caricaturer, etc. Lui, ce qui retient de l'expressionnisme, à mon avis allemand, il y a deux choses. Il y a un, l'idée que le style n'est pas quelque chose qui accompagne ou qui doit être sous le récit, d'une certaine manière. C'est le style, c'est la vision elle-même. C'est ça, l'expressionnisme. C'est la façon dont le style devient l'expression de quelque chose qu'on a en tête, de quelque chose de mental, de la subjectivité ou de la vision qu'on a du monde. Voilà. Et ça, c'est pas uniquement, ça ne peut pas passer que par des gens qui disent ce qu'ils pensent du monde. C'est en ce sens-là que le rapport au muet, pour lui, est important. Parce qu'évidemment, à l'époque du muet, on ne pouvait pas mettre un carton toutes les 20 secondes. Donc, ça, c'est... Mais n'importe quel, tous les cinéastes qui ont connu des cinéastes muets ou qui admirent ça, voire les cinéastes du muet qui sont passés du muet au parlant, racontaient combien, et tout le monde le sait, combien l'arrivée du parlant a appauvri la syntaxe du cinéma pendant quelques années, parce que tout ce qu'avant on devait faire passer par tout simplement par les plans, par les motifs, par les images, par les décors, d'un seul coup on se disait maintenant c'est extra, on revenait presque au théâtre. Comme quoi, vous voyez, là où c'est quelque chose d'intéressant, on voit bien combien l'histoire chronologique, par moment, l'histoire des formes, elle peut reculer à certains moments de la chronologie. Hein. Moi, ça me fait penser à une discussion que j'avais une fois avec Bogdanovitch là-dessus, qui m'expliquait. Une discussion, s'il me faisait un cours. Et on était chez lui, puis il me montrait un extrait d'un film d'Alan Dwan qui s'appelle Quatre mariages. Je sais pas si vous avez vu, peu importe, c'est un film d'Alan Dwan. Donc, parlant. Or, Alan Dwan a une œuvre muette considérable, un mille films, on en a perdu les trois quarts, mais bon, il y a quelques films muets qui restent, plus évidemment l'œuvre parlante qui est plus facile à trouver, qui a été sauvegardée. Et il me montrait l'ouverture d'un de ces films où on voit quatre cavaliers qui arrivent dans une petite ville, etc. Et pour aller chercher quelqu'un qui est le jour de son mariage. Bon, je ne dévoile pas l'histoire pour ceux qui voudraient le regarder. Et Bogdanovitch me montre cette séquence-là et puis il me dit mais vous voyez, Jean-Baptiste, on voit qu'Alan Dwan est un cinéaste du muet. Alors, je dis ah ouais, expliquez-moi, etc. Et il me dit les plans des sabots des chevaux qu'il est en train de faire là, c'est des plans du moment du muet. C'est-à-dire qu'on n'avait pas. Il manque le son des sabots, etc. Donc le plan a une valeur sonore. C'est-à-dire que c'est même pas que le plan nous montre les sabots, c'est que le spectateur est suffisamment intelligent, malin pour comprendre que cette image, c'est un son. Et cette image, c'est une image. Bon. Et voilà, donc je referme la parenthèse, mais c'était intéressant de voir combien beaucoup de ces cinéastes-là, mais c'est vrai chez Ford. Je veux dire, on oublie souvent que la grande mise en scène des classiques américains, ce qu'on appelle l'âge d'or du classicisme hollywoodien, je ne sais pas, disons, si au cœur de l'âge d'or, on est en 39, quoi. Voilà. Enfin, en 39, Raisin de la colère, Vers sa destinée, Sur la piste des Mohawks. Enfin, c'est quand même des années où Ford a, je pense à cette année, où Ford a fait ces trois films-là. C'est quand même démentiel quand on y pense un quart de seconde. Mais voilà, là, on est à l'apogée du classique en 39. Et ben, en 39, ce sont tous des cinéastes qui sont passés par le muet. Autrement dit, l'apogée du cinéma hollywoodien classique est donc sonore et parlant, et vient aussi du fait que ces gens sont passés par le muet. Donc, c'est la double apogée, on pourrait dire, du muet et du parlant. Quand vous voyez un film de Ford, de ce moment-là, on pourrait dire, hein, les films de Ford en général, mais de ce moment-là, on se dit il a tiré les meilleures leçons du muet et il ne prend en fait du sonore et du parlant, non pas quelque chose qui viendrait remplacer l'image, la stylisation, etc., mais il se sert du parlant comme un ajout par rapport au muet. Contrairement à beaucoup de cinéastes qui arrivaient plus tardivement, en fait, se serviront du parlant comme une sorte de pansement, ce que je n'arrive plus à montrer avec l'image. Je vais le faire dire de façon très théâtrale, voire littéraire, par des acteurs. Et tout ça pour dire que le rapport de Mann, en fait, à l'expressionnisme, c'est à la recherche d'un style, en fait, qui se trouve toujours à la frontière de la réalité et de la vision qu'on a de la réalité. C'est pour ça que l'expressionnisme est intéressant. Il y a pas chez lui, c'est pas Caligari, je caricature un peu, mais on n'a pas des décors déformés, on n'est pas le Green Moon, quoi. On n'est pas dans... Non, ça reste extrêmement réaliste, mais il introduit systématiquement, là encore, une sorte de petit décalage. C'est pour ça d'ailleurs que le Révélation est un film si important. On sent que jusqu'à Révélation, c'est-à-dire avant Révélation, il est encore dans les pas ou dépositaire d'une mise en scène encore classique, d'une certaine manière. C'est ce fameux truc très très connu, Serge Danet, qui disait ce qu'il appelle lui le pacte photologique, et il expliquait que en fait, dans le cinéma classique, quel que soit américain ou pas d'ailleurs, dans le cinéma classique, il y a une espèce d'adéquation totale entre la vision et la connaissance. C'est parce que je vois que je comprends. Dans le cinéma moderne, il y a une rupture de ce pacte-là. Voir ne permet plus forcément de comprendre. Autrement dit, il y a entre la vision et la connaissance une autre opération qui est arrivée qui s'appelle l'enquête ou le déchiffrage. D'où le fait que Dana expliquait que le personnage du cinéma moderne, c'est un personnage d'enquêteur. Qu'on s'appelle, Gene Hackman dans Convention secrète, qu'on s'appelle, David Hemmings dans Profondo Rosso, enfin peu importe. À tout hasard. Oui, bah autant choisir les exemples dans qui vous frappent. Reporter. Ouais, tout. C'est-à-dire que d'un seul coup, le monde devient opaque. Or, Mann, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lui, cette espèce de modernité-là, en fait, il l'accomplit à la fin des années 90. De certaine manière. Avant, c'est présent. C'est-à-dire que le fameux plan océanique, Hit allant effectivement à la vitre, il y a cette idée qu'il y a plus que le monde qu'on a sous les yeux, où on a envie de croire qu'il y a plus. Voilà. Il y a un désir d'ailleurs, un désir de profondeur, qu'on pourrait relier évidemment à un désir de mystique, de sacré, de grandeur, de connexion, quoi. La voûte céleste, tu dirais des Mohicans. Donc il y a ce désir-là chez Mann. Mais qui est encore inscrit dans une logique classique. À partir de Révélation, on voit bien que c'est la mise en scène elle-même et presque très, très, très concrètement la place et les mouvements de la caméra qui vont se mettre à prendre en charge ça. Ce qui fait qu'il y a une évolution stylistique aussi de Mann pour cette raison-là. Et qu'est-ce qui se passe dans Révélation ? D'un seul coup, cette idée que le point de vue dans le cinéma classique est quand même très, très anthropocentré, l'homme est au cœur de l'espace est au cœur du plan, c'est lui qui dirige les actions. Voilà, ça marche jusqu'à Hit à peu près. Même si cet homme-là, il a un désir de profondeur ou d'ailleurs, mais c'est un film qui est quand même très humano-centré. Ça, c'est encore une vision classique. À partir de Révélation, c'est plus ça du tout. D'où ce qui est le côté un peu désarçonnant. D'ailleurs, moi, je sais, quand je découvre Révélation en salle en 99, je sens bien que c'est à la fois Michael Mann jusqu'au bout des ongles, mais que stylistiquement, il y a une évolution, que c'est plus le Mann des 15 années écoulées. Il y a quelque chose qui a changé, et ce qui a changé, c'est la façon dont lui-même est en train de chercher un nouveau rapport de l'humain au monde, en fait. Et donc, comment est-ce qu'il le transcrit, il le traduit ? Ça veut dire... Quand on fait du cinéma, ça veut dire, est-ce que la caméra, elle doit être au même endroit qu'avant ? Est-ce que c'est pour ça que je cite beaucoup à un moment Antonioni et Deleuze parlant d'Antonioni, cette étrange subjectivité invisible, etc. Cette idée d'imposition de la caméra qui est à la fois dans et hors du monde, dans la tête de l'individu et hors de l'individu. Donc on est dans une position vraiment presque intermédiaire, et je pense que le sentiment de flottement, mais presque sensoriel, du cinéma de Mann, il commence avec Révélation. Il va arrêter de cesser de se développer, etc., etc. Le vrai sentiment de ce flottement, et donc de surf et de vitesse et de surface, tout ça n'est pas encore dans Manhunter, n'est pas encore dans La Forteresse Noire évidemment, ni dans Hit. C'est extrêmement marquant dans The Insider et dans Miami Vice aussi, je trouve. C'est presque ces exemples-là que j'aurais envie de donner parce que c'est les plus marquants à ce niveau-là. Je pense. Bien sûr, et ça veut dire que on a surtout le sentiment d'un seul coup que l'humain où l'individu, donc le personnage de cinéma dans les films de Michael Mann à partir de révélations, en tout cas leur positionnement, leur place, leur importance, devient un problème. Alors que jusqu'à Hit, le problème, c'est que désirent ces personnages qui sont toujours au centre du monde, pour faire court, au centre du cadre. Ça, c'est la question de Michael Mann jusqu'à Hit. Here on 17. Look at me. Look at me. Look at me. À partir de révélation, c'est plus cette question-là. C'est de se dire, oui, mais est-ce que on occupe encore le centre du cadre, tout simplement? Réponse non. Et on voit bien que ce doute-là va informer toute la suite de la filmo de Michael Mann, de révélations, avec cette caméra vaguement proche du cou, derrière les épaules, cette espèce presque de désir de violenter un peu. En fait, comme si la caméra avait du mal à trouver sa place pour filmer le personnage, son point de vue, etc. Et comme elle a du mal à trouver sa place, elle cherche beaucoup, elle passe par différents endroits, elle tâtonne. Évidemment, ce que traduit ça, c'est tout simplement le fait que la place de l'homme dans une société dont Mann essaie d'être contemporain, hein, le moment du capitalisme, la question du flux, la question de la société de consommation, la question de la vitesse, la question de la cartographie, la question de l'espace qui change, etc. Et ben, la place de l'homme là-dedans n'est plus si évidente. Donc ça devient, d'une certaine manière, il faut la reconquérir ou en tout cas la re-questionner, ce qui fait que Révélation s'ouvre avec ses plans assez étranges. Alors Révélation, toutes les séquences d'ouverture de Révélation sont extraordinaires. Russell Crowe dans Révélation a un côté presque monolithique. Bien sûr. Et d'ailleurs, on voit, il est dans un acte, l'effet un peu ouaté, un peu étrange apparaît dans Révélation, dans la filmo de Michael Mann. Et on se retrouve à ce moment-là avec un personnage autour duquel on tourne. Hein. Et moi, je citais l'exemple de Seconds de John Frankenheimer, qui est un film forcément un cinéaste, quand on s'intéresse à la question de la place de l'individu dans une société en train de se moderniser, quand on s'intéresse à la question de l'aliénation, etc. Frankenheimer était le grand cinéaste de l'aliénation américain des années 60. Donc quand on est un cinéaste comme Michael Mann, qui connaît ses classiques, qui sait, etc., Frankenheimer est quelqu'un qui est forcément là. Mais la différence entre un film comme Seconds, qui d'un point de vue stylistique utilise des procédés que semble reprendre Michael Mann dans Révélation, ce qui est vrai, mais l'écart ou la différence entre les deux, c'est que dans Seconds, il faut passer par une espèce d'argument de scénario, de retournement phénoménal pour justifier ça, alors que dans Révélation, cette espèce de, on pourrait dire que c'est devenu presque un être au monde normal. C'est ça, il y a plus de scandale de scénario hein, dans Révélation. Et donc, tout ça pour dire que ce style qui évolue, qui est nouveau, qui vient de l'expressionnisme, on pourrait dire, c'est rien d'autre que ça, un style. Hein, c'est trouver le style qui va raconter tout simplement la vision qu'on peut avoir du monde ou que de la vision que l'individu a du monde ou la place qu'il pense avoir, etc. C'est de là que ça vient. Après, évidemment, La Forteresse Noire est un hommage très direct à ça. Et même dans Manhunter, je cite à un moment le plan de la voûte sur la Freedom Plaza de Washington, lorsqu'il pense choper enfin le tueur et c'est un simple jogger, etc. Il y a ce plan extrêmement beau et connu de William Peterson, enfin Will Graham, le profiler du FBI sortant de la voûte, c'est une citation très directe d'Orlok dans Nosferatu de Murnau. Voilà, c'est avec cette espèce de gigantesque démon qui est au sol. Il y a des moments comme ça, où, parce que Mann étant aussi un grand amoureux de l'architecture. Enfin, c'est quelqu'un qui, comme souvent dans les grands cinéastes américains, sait que l'architecture raconte quelque chose de notre rapport, en fait. Il va passer, en gros, de Chicago à Los Angeles et puis à l'Asie, parce qu'il suit de cette manière l'architecture contemporaine. Hein, et que Los Angeles est la ville des années 90. C'est-à-dire que le top de la modernité, c'est Los Angeles. Dans les années 2000, ça ne l'est plus. Hein. Et là, il part en Asie. C'est pour ça qu'en d'une certaine manière, avec Hit et Collateral, il a fait le tour de la ville. Et il va peu à peu se déplacer vers autre chose, sachant que Chicago, bah, évidemment New York, sont des villes de l'ancien monde, évidemment. Or, Mad, qui veut toujours être branché sur le contemporain, suit aussi cette dimension architecturale-là, quoi, que je trouve extrêmement intéressante. Oui, et ce qui est intéressant dans cette métamorphose du cinéma de Michael Mann, cette rupture formelle qu'on peut observer entre justement Hit et Révélation, on peut la marquer au sein de deux scènes clés de ces deux films. C'est la rencontre entre Neil et Eddie dans le restaurant et celle de Wigan avec son employeur. Dans ces deux scènes, Michael Mann utilise de manière assez visible, comme une sorte de ponctuation musicale, un travelling pour permettre de franchir l'axe regard entre les deux personnages. Sauf que dans Hit, on est encore dans un travelling circulaire qui est un peu enveloppant, qui permet à cette relation entre Eddie et Neil d'exister un temps, tandis que dans Révélation, elle va vraiment heurter le regard et révéler l'envers du décor avec ces deux personnages à l'arrière-plan. Oui, et puis après, la fameuse rencontre avec l'employeur donc de Russell Crowe, c'est le moment où il a envie, en fait, l'employeur ou l'entreprise qui est derrière veut lui faire signer une sorte d'avenant, en fait, à son contrat, parce qu'en gros, un avenant, on s'en fout, mais par contre, ce qui est important, c'est que l'enjeu de cette séquence-là, c'est que l'homme, Russell Crowe, pensait pouvoir, après ce contrat, en fait, sortir tout simplement de cette boîte qui s'appelle Brown & Williamson. Et donc, on est encore dans le vieux truc politique de Michael Mann, de cet héritage des années 70. Hein. Il pensait trouver cette position extérieure en disant « Maintenant, j'ai fini avec vous, je sors de votre périmètre. » Et l'autre en train de lui dire « Non, mais le périmètre, on va l'étendre et on va t'incorporer dedans. » Et c'est ce qui est terrible dans cette séquence-là. D'ailleurs, que j'analyse un peu dans le livre, parce qu'il y a toujours un écart entre ce qu'un film montre et le traitement. Dans cette séquence-là, on est dans le monde de l'entreprise, mais Mann filme ça comme si c'était une corporation mafieuse. Et ça, il le fait par la mise en scène, hein, avec ces deux hommes de main sur les côtés, dont on ne sait absolument pas d'ailleurs si ce sont des avocats, si ce sont des hommes de main, des tueurs à gages. Mais peu importe, c'est qu'on est dans le monde de l'entreprise, mais Mann filme ça, hein, comme si c'était une corporation mafieuse. Donc ce moment, il est très important dans le film, puisque c'est le moment où Russell Crowe se rend compte avant Al Pacino, enfin Lowell Bergman, le journaliste, lui, il vit déjà l'expérience de l'extension du périmètre. Or, si Brown & Williamson peut commencer à étendre son périmètre, donc à réinclure le personnage de Russell Crowe alors qu'il pensait en être sorti, évidemment, c'est le début de la fin, puisqu'on va se retrouver avec CBS qui lui possède, etc. Donc, il n'y a pas de limite au pouvoir des corporations capitalistiques, et ça Russell Crowe le comprend avant Al Pacino. Or tout le film, là où il est assez ironique et pervers, c'est qu'il fait de Pacino le personnage qui sait, hein, je vais t'aider à te délivrer, moi je connais tout, je suis la star du journalisme. Et Russell Crowe, c'est un peu le plouc, c'est le scientifique malin, un peu laborieux, mal dégrossi, pas bien. On aussi dit que l'homme qui maîtrise, c'est Al Pacino, évidemment, qui sait tout ça. Et on se rend là où le film est génial, c'est qu'évidemment, l'homme qui en fait n'avait rien compris, c'est que c'est Al Pacino. Et à la fin, qui est-ce qui disparaît quand on voit les deux derniers pans qu'offre Mann aux deux personnages? L'un est avec ses deux petites filles, c'est pas grand-chose, mais bon, il retrouve le respect de ses petites filles qui est en train de voir le reportage qui est diffusé, mais Pacino, lui, disparaît du cadre. Hein, c'est qu'à ce moment, il prend la revolving door et puis l'image passe au ralenti, peu à peu se fige, il remonte l'imperméable sur lui et il est effacé de ce monde-là. Donc l'ironie, enfin, que je trouve très très belle dans Révélation, c'est que le plus aveugle des deux n'est pas celui qu'on croyait au départ. Parce que le film organise vraiment cette idée qu'il y en a un qui va aider l'autre à s'émanciper, à se libérer, que c'est presque une sorte de mentor. Disons qu'on ne pourrait presque dire que Pacino est à Russell Crowe au début, ce que Vincent dans Collateral est à Max. Hein, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est le cas de tous les films de Mann, ou presque? C'est à chaque fois, on en parlait un petit peu, mais des scènes d'ouverture qui sont des fausses pistes, et puis un moment dans le récit, les personnages, c'est particulièrement parlant en effet dans Révélation, avec le fait que Al Pacino est masqué en début de film, mais à chaque fois une redécouverte d'un autre monde, ou en tout cas à d'autres niveaux, on va dire, plus tard dans le film. C'est quasi le cas dans tous ces films. Oui, bah parce que c'est en fait, c'est un peu dans la continuité de ce qu'on raconte, c'est-à-dire que cette espèce de la façon dont en fait, tous les films de Mann partent en fait d'un état du monde tel qu'on pense le connaître, et en l'occurrence que des personnages pensent le connaître, et que cet état du monde en fait est l'objet de l'enquête du film alors qu'on s'en rend pas compte. On croit qu'il y a une histoire de casse, une histoire d'enquête, il y a une histoire de scandale du tabac. Oui, mais tout ça sont des, c'est encore une fois, c'est de l'ordre du cheval de Troie. Il est dans la grande tradition du cinéma américain, Michael Mann, qu'il faut toujours que les grandes idées soient abritées par des choses qui ont l'air petites. En Europe, nous, on fait à peu près le contraire. C'est ça, exactement. Hein, exactement. Bon, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais l'auditeur aura compris ce que ça veut dire. Et donc, dans le cas de Michael Mann, c'est ça. D'où le fait que la dimension générique de ses films, c'est-à-dire prendre des genres, c'est très important aussi pour ça. C'est même un pacte conclu avec le spectateur. C'est une façon de se dire, c'est quoi l'efficacité politique d'un film ? Moi, je suis très attaché à ça. Dès lors qu'on ne parle qu'à des convertis ou à des militants. Hein, Mann, il a quand même toujours ce souci du divertissement. C'est pas un souci, on pourrait dire, malsain ou détestable, comme on le pense très souvent en Europe. Hein. Voilà, il veut rencontrer du public, quelle horreur. Hein. Non, Michael Mann, il sait que la puissance politique de son cinéma, évidemment, dépend aussi de sa capacité à sortir du cercle des convertis. Hein. Et ça, c'est très important. Donc, le genre est toujours, on pourrait dire, la pilule qui permet de faire passer derrière quelque chose de bien plus grand. Et donc, il y a toujours deux sujets dans les films de Mann. Il y a, on pourrait dire, il y a le récit, hein, la petite histoire, le scénario. Et puis, il y a la vraie histoire derrière, en fait, en tout cas, ce que Mann veut raconter, qui est toujours une sorte de moment de révélation, on pourrait dire, du monde tel qu'il est, tel qu'on pensait le connaître et tel qu'on ne le connaissait pas. Voilà. Ce qui fait que en quoi les films de Mann, à mon avis, nous ouvrent, sont des films qui ouvrent les yeux. Mais la question du regard, encore une fois, dialogue récurrent des films de Michael Mann, comme la question du retard et du temps qui manque, quelque chose de récurrent. L'autre récurrent des films de Michael Mann, c'est qu'est-ce que tu vois autour de toi. Donc les films de Michael Mann, de façon souvent discrète, subtile, rapide, passent son temps à nous lancer des injonctions aux personnages et donc aux spectateurs. C'est mais qu'est-ce que vous voyez? Et vous voyez, alors lui, il n'utilise pas, c'est pas les lunettes de Zélie de John Carpenter, il n'y a pas une bagarre de 10 minutes pour forcer quelqu'un à voir. Mais c'est, je veux dire par là, c'est qu'il est dans cet essai de mouvement-là. Voilà, le film de Carpenter passe par une espèce de voie beaucoup plus de générique, par la science-fiction, par le genre. C'est la petite histoire, mais la grande idée que nous raconte en fait Zélie, enfin John Carpenter, c'est nous dire c'est super dur de convaincre les gens de regarder ce qu'ils ont sous les yeux. En fait, il suffit pas de dire regarde. Hein, et d'où le fait qu'il faut quand même bastonner quelqu'un pendant un quart d'heure pour qu'il accepte de voir le monde tel qu'il est. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça raconte tout sur la collaboration, sur le consensus. Est-ce que parfois on préfère pas vivre dans un mirage séduisant mais qui est faux? Ou alors de voir la vérité. C'est parce que c'est une vraie question philosophique, hein, en tant qu'individu. Or, Michael Mann, lui, ce qu'il nous raconte, d'où la façon dont le programme existentiel, vital, politique, tout ça se mêle, etc., c'est qu'il nous dit, si tu ne te comprends pas politiquement le monde dans lequel tu es, on pourrait dire que ton trajet existentiel n'existera pas, ton trajet vital, etc. Il fait de la compréhension politique du monde, mais au sens strict du terme, hein, pas politicien, la compréhension politique du monde, la condition sine qua non de l'émancipation aussi bien de l'individu que du collectif. Et justement, dans cette volonté de Carpenter d'ouvrir les yeux du spectateur, de le violenter d'une certaine manière, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on va retrouver dans le cinéma de Mann et dans son appréhension des scènes d'action, peut-être de manière moins littérale que dans Évasion Los Angeles, mais justement Mann, qui est un cinéaste d'action des années 80, va structurer son cinéma autour de grandes scènes d'action. On pense bien sûr à celle de Heat ou de le dernier acte du dernier Mohican. Mais j'ai l'impression que ces scènes d'action se différencient des canons de l'époque par un effet de sidération, une manière beaucoup plus brutale d'appréhender l'action. Justement, qu'est-ce qui différencie Michael Mann de ses contemporains dans le domaine de l'action? Ce qu'on appelle, enfin, me semble-t-il, les séquences d'action dans le cinéma contemporain, c'est le moment, c'est le développement du blockbuster, c'est l'avènement du spectaculaire, et presque du parc d'attractions, pour faire court. C'est-à-dire que c'est le moment où l'action devient, la séquence d'action devient un spectacle en elle-même, et que le récit peut se mettre en veilleuse, et on fait marcher la machine rutilante du cinéma. Et que, voilà, on sait, comme il y a eu des films catastrophes avec des effondrements de villes 15 ans plus tôt, il ne se passait rien, on a juste envie de voir des villes tomber. Voilà, on a adore ça. Et ben, on a envie de voir des séquences d'action. Mais ces séquences-là appartiennent, à mon avis, celles des années 80, pour la plupart, hein, appartiennent beaucoup plus, on pourrait dire, au parc d'attractions qu'au cinéma. Michael Mann, lui, s'en fout complètement de ça. Hein. Donc, l'action, pour elle-même, ne l'intéresse pas. Hein. D'ailleurs, c'est très intéressant quand on regarde, mais même dès le solitaire, la fameuse séquence du casse, la deuxième de 13 minutes, c'est fou de, quand on compare cette séquence-là par exemple au, je sais pas, au vol de la bijouterie place Vendôme du Cercle Rouge de Melville ou l'appartement dans Réfugié chez les Hommes de Dassin. Bon. On voit bien que dans ces trois séquences-là, qui sont trois longues séquences de casse enfin, emblématiques de l'histoire du cinéma, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Hein. Chez Melville, c'est vraiment presque le jeu. Il y a presque une dimension ludique jusqu'à la fameuse serrure JPM. Hein. Il y a une dimension quasi ludique. C'est des gens qui se comportent comme des gamins. Voilà. Dans le cas de Réfugié chez les Hommes, il y a un vrai enjeu de suspense. Est-ce que le parapluie, le bruit qu'on fait, la poussière, etc. Dans le film de Michael Mann, c'est quoi l'enjeu de la séquence ? C'est tout simplement le plaisir, on pourrait dire. Ça, et encore une fois, là, il va à l'os du cinéma américain. Cette croyance que voir quelqu'un en train de faire quelque chose, c'est fascinant. Mais et c'est lui donner une noblesse. C'est tout son rapport au fétichisme aussi qu'il a dans ce film. Alors, je ne sais pas si c'est du fétichisme. C'est la conviction profondément américaine que le grand professionnel est admirable. Voilà. D'où le fait que le cinéma américain... Il a une capacité, en fait, à exposer n'importe quel type de métier, même les plus étrangers. Je sais pas, ça peut être la couleur de l'argent, n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il est capable de s'emparer de n'importe quoi, parce qu'il est capable à la fois de l'expliquer pour n'importe quel spectateur. Dans la plupart des films américains, il y a beaucoup de métiers qu'on a appris par les films. Hein, parce qu'ils ont ce goût du métier, d'une certaine manière, et ils savent que... Parce que ça, c'est quelque chose qui est inscrit dans leur mythologie à eux. Hein. C'est que le métier, historiquement, définit l'homme, la fameuse profession, etc. etc. et c'est ce qui l'anoblit, véritablement. Dans le cinéma européen, ce qui l'anoblit, c'est plus son rapport au monde, son rapport à l'autre, sa rhétorique, sa façon de parler, sa culture. Voilà, c'est son niveau intellectuel. Alors que dans le cinéma américain, c'est la qualité professionnelle. Et donc, c'est fascinant de voir cette séquence du casse dans le solitaire, alors qu'on ne se dit pas un quart de seconde que des flics vont débarquer. À aucun moment, Mann ne joue cette piste-là. On ne se dit pas du tout que l'un d'eux va faillir ou faire du bruit ou éventuellement que le coffre sera vide. Non, non, tout ça, c'est réglé. C'est jouir du spectacle. Et là, on pourrait presque dire... D'ailleurs, la jouissance, elle est presque inscrite comme une métaphore, on pourrait presque dire, presque un peu trop évidente, puisque après le coffre, l'ouverture du coffre, etc., James Caan s'assied, il est fatigué, il est suant, il a vu une clope, quoi. Si on n'a pas compris la référence à ce qui vient de se passer, c'est une évidence. Plan suivant, le paradis, l'océan Pacifique, etc. Donc je pense que la séquence d'action, on pourrait presque dire... En tant qu'elle devient une espèce d'objet de performance dans le cinéma des années 80, dans lequel va aussi un peu tomber des gens comme Friedkin, La poursuite de Toby Dainelet. Elle est géniale parce que ce n'est pas que ça, puisqu'elle est filmée du point de vue de la paranoïa d'un des deux personnages dans les canaux qui se met à délirer. Et comme il délire, l'espace délire autour de lui. Et il n'y a pas un tueur à gages, il y en a 50 000, ils sortent de partout, ça devient complètement mental. Bon, là, il en fait un truc génial, William Friedkin. Mais il est quand même lui aussi dans la recherche de la performance des années 80, d'une certaine manière. Mann, ça l'intéresse pas du tout, parce que il y a pas dans ces films des moments comme ça où le récit se met en veilleuse pour aller du côté du parc d'attractions. En fait, je pense que ça intéresse pas du tout Michael Mann. Ça, c'est ça qu'il ne cesse toujours de répéter: ce qui compte sont les personnages, c'est ce qui va motiver la moindre séquence, et ce qui est de ce point de vue là c'est un classique. Ouais, je propose qu'on écoute maintenant un extrait de la première séquence, en tout cas la séquence de la plage qui ouvre le sixième sens. Donc, 87. Sortie du film, 87. You're supposed to be his friend, Jack. Why didn't you leave him alone? If he decides to do it, Molly, I'll keep him as far away from it as I can. Good, don't we? We have more than good. All that happened to you before lets you know that. If I went back, I'd only look at evidence. I wouldn't get deeply involved. He never even see me or know my name. If they find him, they'll have to take it down. What do you think? I think you've already decided and you're not really asking. If I were asking. Stay here with me. Me and Kevin. But it's selfish and I know it. Voilà, en parlant de cette scène, tu écris « Cette séquence constitue sans doute l'une des représentations les plus chimiquement pures du dilemme qui tourmente la plupart des héros maniens entre ce que Vincent McGain a appelé le programme vital et le programme existentiel, entre ce qu'ils savent faire et ce qu'ils désirent. Mann filme ici le sentiment diffus d'un manque, d'une tension palpable entre les aspirations profondes de Graham, le héros donc, et l'apparence d'une vie comblée. L'homme occupe l'espace, mais y est absent, comme paralysé par un sentiment d'empêchement qui contamine même le rapport à ses proches. » Fin de la citation. Donc cette notion de programme vital et de programme existentiel, elle traverse vraiment, en tout cas, ton livre. Ça fait partie des leitmotifs, des colonnes vertébrales du bouquin. Ouais. Le programme vital, dans les films de Mann, de manière extrêmement schématique, il est souvent associé au professionnalisme, à la fonction. À leur métier. À leur métier, dont tu parlais tout à l'heure. Le programme existentiel. Un peu trait à leur intimité, quoi. Ouais, oui, ça va dépendre du film. Mais en tout cas, ce qu'on remarque, c'est que très, très, très souvent, les personnages n'arrivent pas à lier les deux. Et même le fait, par exemple, pour Neil McCauley dans Heat, le fait de vouloir lier les deux, accomplir les deux, ça va mener à sa perte. Vincent Hanna, de l'autre côté de la pièce, lui, il choisit clairement le programme vital et son mariage full camp. Un peu plus tard, dans Collateral, il y a Tom Cruise, Vincent, qui lui est à fond braqué sur son programme vital et qui devient quelque part justement dévitalisé, qui est comme exsangue, comme une espèce de machine. Il n'est plus que son programme vital. Quoi. Voilà, c'est ça. Enfin, jusqu'à un certain point dans le film. Et par contre, dans le sixième sens, justement, je crois que c'est en tout cas une fin où le personnage de Will Graham arrive relativement à ménager les deux programmes. Et en fait, je me demandais, est-ce que après le sixième sens, la vision de Mann est de plus en plus noire sur ses propres héros qui n'arrivent jamais à trouver un équilibre entre les deux. Mais je me demandais même au-delà de ça, est-ce même un équilibre que les héros maniens recherchent? Oui, enfin, je pense que c'est un équilibre entre ces deux programmes qui recherchent tous, mais il faut juste dire que le fait de décoller le programme existentiel du programme vital est non seulement, à mon avis, quelque chose qui caractérise les films de Michael Mann, dans le sens où il en a fait un de ses centres de préoccupation, mais quelque chose qui appartient quand même à l'histoire du cinéma américain. C'est pas le premier à avoir montré, par exemple, des flics ou des gangsters pas heureux dans leur métier. Ou en tout cas que le métier ne comble pas totalement. Hein. Quand on regarde le cinéma américain des années 60-70, ce travail a commencé à être fait. En tout cas, cette idée d'un seul coup que le métier et l'excellence dans son métier ne suffit pas pour faire court à rendre un homme heureux et serein. Voilà, ce qui est le cas du cinéma classique américain. Là, ça l'est plus. On se souvient d'une sublime scène dans Les flics ne dorment pas la nuit, voilà. qui démontre bien tout ce point. C'est ça, suicide de George C. Scott, et même suicide presque désiré de Stacy Keach à la fin du film. Voilà. Donc là, on est dans la dimension totalement dépressive dans le film de Fleischer, qui date de 72. Hein. Donc on voit bien qu'on est, on est 20 ans, 25 ans avant Heat ou avant le moment où Mann va rentrer... va rentrer sur le terrain. Donc cette question du programme existentiel, programme vital, elle est présente dès le solitaire. C'est pour ça que le cas de Manhunter est un cas, à mon avis, un peu particulier, pour deux raisons. La première, c'est que le solitaire, en fait, anticipe ce que seront Heat, Révélation, Miami Vice, Public Enemy et Black Cat. Pourquoi ? Parce que, à la différence de Manhunter, c'est parce que le programme existentiel dans le Solitaire et dans Heat et ces autres films-là, d'une certaine manière, il est en contact avec l'état politique et économique de la société. C'est-à-dire que pour pouvoir réaliser son programme d'une manière existentielle, il faut aussi pouvoir composer avec la société capitaliste. Dans Manhunter, cette question-là, elle est quasi mise de côté. C'est le seul film de Michael Mann dans lequel le grand autre, ou en tout cas l'histoire souterraine derrière la petite histoire, ce n'est pas la question, grosso modo, de l'accélération du capitalisme, etc. C'est, à mon avis, la question de la déréalisation via l'image vidéo. Je pense que Manhunter est un film qui, en plus pour des raisons biographiques, est évidemment très intéressant, puisque Mann a un rapport conflictuel, on pourrait dire, d'amour et de haine à l'égard de la télévision. La Forteresse Noire a été un échec, il a fallu qu'il s'y réfugie. Là, il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je végète à la télévision en attendant de repartir au cinéma? Et l'intelligence de Mann à cette époque-là, c'est de se dire, ok, mon terrain de jeu, c'est la télévision, donc pourquoi ne pas tenter de me servir de la télévision comme d'un terrain de jeu, comme d'un terrain d'expérimentation pour des formes que je vais tester avant de les utiliser plus tard pour le cinéma. Ce qui va faire, d'où sa grande intelligence d'ailleurs de son utilisation de la télévision dans les années 80. D'où le fait que dans la série Miami Vice, dont il sera le showrunner, on voit bien qu'il y a énormément de motifs aussi bien formels, visuels, scénaristiques ou vestimentaires qui se reviendront parfois presque intacts dans les films de Michael Mann. Ce qui perdurera avec Robbery, Homicide, Division, qui a des liens d'intrigue avec que ce soit Miami Vice, l'usage de la HD qui va développer dans des pubs pour je crois BMW, donc je ne sais plus quel était l'acteur. Benicio del Toro. Voilà, on a déjà en germe, on sent que c'est vraiment un laboratoire avant de passer sur grand écran. Mais aussi bien d'ailleurs la télévision que les pubs, c'est-à-dire qu'il y a chez Mann cette idée qu'on vit dans un monde en fait d'images, la forme haute, noble, étant à la fin le cinéma, c'est là que tout doit aller à un moment, pour en trouver la conversion de ces images-là, mais lui ne rejette aucune image. Et c'est vrai pour la publicité, c'est vrai pour la télévision, je sais pas, Miami Vice s'inspire à la fois de 2, 3, 4 épisodes, mais d'un point de vue scénaristique déjà, on voit bien que le film est construit à partir de lambeaux ou une sorte de puzzle un peu rapiécé d'idées scénaristiques chopées dans Miami Vice et Camarena Story, qui est une espèce de mini-série de quelques épisodes qui est pas très connue en France, qui tourne dans les années 90, et on voit que là il travaille tout le motif de la circulation de la drogue, de l'argent, de la corruption, etc. Là c'est qui reviendra ensuite dans Miami Vice. Mais Manhunter, c'est un autre sujet. Manhunter, on est au milieu des années 80. Il faut se rappeler à ce moment-là que, encore une fois, le débat auprès des gens de cinéma, de la critique de cinéma, des gens qui font des films, entre la télévision et le cinéma fait rage. Il y a cette idée d'un seul coup que le cinéma il est menacé par une espèce de forme un peu prosaïque et triviale qui s'appelle la télé. Et on a oublié aujourd'hui, parce que plus personne ne regarde la télévision. Aujourd'hui, à part les vieux et les EHPAD, mais plus personne ne voit la télévision. Alors qu'à l'époque, dans les années 80, le petit écran, non seulement a une importance capitale en termes d'influence esthétique, on pourrait dire sur le cinéma. D'ailleurs, on voit combien il n'a pas gagné, mais en tout cas, il a fait son travail, tellement aujourd'hui, le cinéma s'est télévisé, une grande partie du cinéma s'est télévisé, mais ça a aussi une importance économique, puisque à ce moment-là, dans les années 80, le nouveau financier, ou un des nouveaux financiers principaux du cinéma, c'est la télévision. Donc, les chaînes de télé financent des films qui vont passer par le cinéma, mais dont le point d'arrivée terminal est la télé. Prime time, 20h. Bon. On n'a peut-être pas le temps d'entrer là-dedans, mais c'est très important. Et Mann, lui, il est sur les deux terrains. Il a travaillé pour la télévision, il connaît ça par cœur. Il a même écrit dans les années 70 des épisodes de certaines séries comme Sergent Anderson, Policewoman ou alors Starsky Hutch, évidemment. Donc, il connaît très, très bien cette machinerie. Et il pense, dans les années 80, le vrai sujet sous Manhunter, le sixième sens, c'est ça. C'était ça de combat à mort entre les deux. Et moi, je pense que le personnage de Francis Dolarhyde, donc le lecteur du film, le serial killer, est une espèce, en tout cas, c'est ce que j'écris, j'en suis absolument convaincu, une espèce d'extension de ce qu'on peut appeler la société vidéo, vidéoscopique, etc. C'est ça qui se joue véritablement dans Manhunter. Alors, ce qui est passionnant, c'est qu'entre le premier et le dernier plan du film, on se dit, premier plan du film par rapport à l'extrait que tu as lu, on se dit effectivement, là, Mann pose les bases de son personnage, quoi. Il est sur la plage. Mais en fait, encore une fois, c'est comme la fin de Révélation. C'est une victoire, mais il manne le film comme si c'était une catastrophe. Et là, au début de Manhunter, il devrait filmer un homme serein, qui est peinard, en short, sur l'île de Captiva en Floride. Il y a pire dans la vie, on peut habiter à Dijon ou à Roubaix, quoi. Donc il est bien, il a le dos tourné en fait à l'horizon pacifique. Il y a une espèce de tronc et une musique un peu mélancolique, une sorte de nappe sonore un peu mélancolique. Donc on voit bien que ce que cherche à nous montrer Mann, c'est que en dépit de l'image d'Épinal ou de la sérénité existentielle ou de la carte postale du personnage, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, et c'est quelque chose qui ne va pas. Là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le programme existentiel. C'est que le programme existentiel ne peut fonctionner que s'il s'articule à un programme vital. Puisqu'il faut rappeler que dans le scénario du film, il a été profiler, il a rencontré une première fois le fameux lecteur, le serial killer. Ça s'est très mal passé. Grâce à lui, il a été mis en prison. Donc, il s'est retiré des affaires. Autrement dit, au moment où le film commence, le personnage comprend, on n'a plus de programme vital. Il est pas à la retraite, il est retiré des affaires pour des raisons mentales, on le comprendra dans le film, et même un peu enfin, psychologique et physique. Donc, il est dans son programme existentiel tout court. Voilà. Mais ça, dans un film de Michael Mann, on ne peut pas être que d'un côté ou que de l'autre. C'est-à-dire que James Caan, par exemple, dans le film les deux films précédents, c'est tout le contraire. Lui, il n'est que dans son programme vital. Et à un moment, il se dit, mais quid du programme existentiel ? Et c'est là qu'il va tenter de créer ce programme en accéléré, parce qu'il n'a pas le temps, la vitesse, on revient toujours sur la même chose. Donc, créer un embryon de famille et finalement d'accompagner son programme vital d'un programme existentiel. Mais le héros manien, c'est un équilibre, c'est une articulation réussie entre les deux. En tout cas, c'est leur horizon. Et comme tout horizon, on ne l'atteint évidemment jamais. Hein, c'est pas un endroit situé, ça. Mann, c'est un cinéaste qui fonctionne énormément sur l'idée, on pourrait dire, de l'horizon. C'est-à-dire que tous ces personnes, que ce soit aussi bien dans le traitement du cas, d'utilisation de la mer, de l'océan, les gens tentent d'atteindre quelque chose, mais ils n'y arrivent jamais. Voilà. Mais c'est dans ce désir d'atteindre, tout le récit se déploie. C'est pas un lieu, sauf dans la séquence de la Havane dans Miami Vice, on se dit ah bah super, là l'horizon ils y sont. Non, évidemment, le film va nous raconter que cet horizon-là n'est pas trouvé, n'est pas accompli, etc. Et donc tout ça pour dire que ce personnage au début de Manhunter, il est complètement dans son programme existentiel, mais comme c'est un personnage manien, là pour le coup, il lui manque ce qui ne manque à aucun des autres personnages de Mann, un programme vital. Généralement, c'est toujours le contraire. On commence plutôt par l'un pour se dire oui, bah alors c'est quoi le sens de tout ça ? C'est quoi la profondeur de cette vie si on n'est que bon dans ce qu'on fait ? Bon. Et dans Manhunter, c'est tout le contraire. Donc, évidemment, là, l'un de ses anciens collègues vient le voir, et on comprend, grâce à la mise en scène et à la séquence qui va suivre, que cette espèce de mal-être qu'est en train de nous suggérer Mann par la mise en scène, dans un décor si incroyable et idyllique, dans lequel on aurait tous envie d'être, ce mal-être vient du fait qu'il n'y a pas de programme vital. Et pourquoi il va y aller dans ce programme vital, et la séquence est assez géniale d'ailleurs, c'est non pas parce qu'il a envie de repartir au contact d'un serial killer, il a quand même encore le souvenir de tout ce qui s'est passé, etc., mais parce qu'il va mettre en route un autre truc caractéristique de Michael Mann, qui est cette espèce de désir de protection, on pourrait dire, et c'est quand il voit arriver sa femme et son enfant, dans la mise en scène de la séquence, c'est assez génial, le vrai déclencheur c'est ça, c'est qu'il le fait pour sa femme et son enfant, qui deviennent en fait symptomatiques ou métonymiques de cette idée de la protection générale, quoi, de certaine manière. Et c'est pour ça qu'il va accepter. Et donc, tout le plan, tout le film, et moi, c'est ça qui est presque, de façon presque un peu didactique, hein, part de ce plan auquel il manque quelque chose. Autrement dit, Mann nous dit, dans ce plan idyllique, il y a un problème. Et donc, je vais faire un film pour résoudre le problème. Et donc, une fois que le problème est résolu, à la fin, j'y reviens. Et c'est très intéressant, évidemment, de comparer les deux plans, puisqu'à la fin, cette fois, William Petersen se tourne vers l'horizon, alors qu'il lui tournait le dos au début. Le fameux tronc qui bloquait cet horizon a disparu. Là, la famille s'approche et reconstituée. Et c'est quasiment une image d'Épinal, presque une sorte de carte postale. On a presque le sentiment, vous savez, c'est ces images de palmiers que tu as dans Scarface, de Brian De Palma. C'est l'espèce de fantasme dans lequel il est rentré. Mais ça n'arrivera plus jamais en fait, dans les films de Michael Mann. À partir de là, tous les personnages chercheront un équilibre, pas l'un ou l'autre. S'il y a qu'un ou l'un ou que l'autre, ça dysfonctionne. Il faut cet équilibre-là. Mais le problème, c'est que la plupart des personnages, ensuite, auront un programme vital, tenteront finalement de satisfaire un programme existentiel, mais ils échouent toujours. Mais ils échouent pour deux raisons. La première, c'est la question du temps, aller trop vite. Hein, d'une certaine manière, c'est ça qui est intéressant avec cette idée de Mann, mais est-ce qu'on peut rattraper le retard ? Et les films de Mann nous disent toujours non. Hein. Donc on va trop vite, donc ce qui va faire chuter évidemment les personnages. Deux, on a envie, d'une certaine manière, de pouvoir avoir l'indépendance qui est attachée au programme vital sans la dépendance à l'autre que suppose le programme existentiel. Évidemment, on ne peut jamais avoir le beurre à l'argent du beurre. Je veux être indépendant, mais programme existentiel suppose une dépendance aux autres. Donc tout casse. James Caan, c'est ça. Hein. Il veut son programme existentiel. Ah oui, mais ça suppose une dépendance. Être amoureux, avoir un enfant, être un père et avoir signé un pacte avec quelqu'un. Et à la fin, il recoupe tous ses liens, hein, pour se retrouver dans le programme vital pur, et il redevient le zombie manien d'une certaine manière. Quand on n'est que dans le programme vital, on n'est qu'un zombie. Et à la fin du solitaire, James Caan, c'est vraiment un homme lisse, sans affect. C'est pour moi le prototype de Vincent dans Collatéral. Il naît exactement là, le personnage que va jouer Tom Cruise dans Collatéral. Et ce qui est intéressant dans ce rapport dans Manhunter à la vidéo que tu développes, c'est la manière dont elle va contaminer le récit. Et c'est aussi, j'ai l'impression, le trajet que va avoir la technologie. Parce que pour moi, la télévision représente aussi cette technologie qui arrive et qui va se déployer jusqu'au point terminal, à mon sens, dans Black Hat, où carrément toutes les frontières, la possibilité d'avoir un espace intime a disparu. Il y a cette séquence avec Christian Faux dans le restaurant chinois, où à ce moment-là, où il se rend compte qu'il est épié à son insu, et où en fait il y a une impossibilité de trouver un refuge dans cet espace-là, quoi. Oui, et surtout ce qui est passionnant, et là on retombe toujours sur la façon sur la cohérence de Michael Mann, sur la façon dont il y a une idée qui l'intéresse, qui va creuser, mais il va jamais être aveugle au changement du monde. C'est-à-dire que s'il l'intéresse, c'est toujours de mettre ses propres obsessions, on pourrait dire, dans le bain contemporain. Voilà, c'est ça le Mann. Ce qui fait qu'à la fois les obsessions sont toujours là, mais elles évoluent toujours aussi, puisque le monde autour change. Et donc, dans Manhunter, la question de la vidéo est encore traitée par Mann comme un corps étranger, en réalité, comme un objet de pathologie. Je veux dire, si la vidéo, c'est Francis de la Ride, ça va, on n'est pas tous comme ça. Bon, autrement dit, on voit bien qu'il incarne cette espèce de nouveau corps étranger qui arrive, qui fait violence au réel, etc., qui transforme les victimes en spectateurs. Enfin, toute la métaphore dans Manhunter est autour de cette question-là. Mais comme la technologie est quelque chose qui intéresse terriblement Mann, et pas uniquement comme l'objet d'un outil, comme un fétichiste ou comme un geek, etc., il se dit la technologie, il le comprend dès Manhunter, va avoir une importance absolument capitale dans nos vies. Ce qui était pathologique, et catastrophique ou exceptionnel dans Manhunter devient notre lot commun dans les films suivants. Jusqu'à Black Hat, je veux dire, on pourrait dire que Francis de la Ride, il est à l'échelle du monde maintenant. Hein, il est partout, d'une certaine manière. Cette absence d'intimité, la toute fin du film, le fait qu'on est toujours pris dans le regard. En fait, Black Hat, c'est un film qui nous raconte qu'à la fin, on est des pixels, grosso modo. Et qui commence d'ailleurs exactement comme ça. Et on voit bien l'écho, parce que Mann aime beaucoup en fait ça, l'écho entre le premier et le dernier plan. Ou en plutôt, comment est-ce que le dernier plan a répondu ou a résolu quelque chose ou une question qui était posée dans le premier plan. Ça, c'est vraiment un de ses grands trajets en tant que metteur en scène. Et donc, la question de la pathologie de la vidéo ou de la violence de la vidéo et de la technologie et de ce que ça veut dire, c'est-à-dire que la façon dont ça déréalise. Alors, dans Manhunter, la déréalisation, ça passe par le meurtre. Ça, au moins, c'est radical. Il n'y a rien de plus facile que de déshumaniser quelqu'un, de le tuer. Mais cette déshumanisation, cette façon de le dévitaliser va se propager, s'adoucir et donc devenir à la fois beaucoup plus violent et plus pervers et plus invisible. Et plus aussi plus brutal, parce que tu parles justement de cette séquence d'intro de Black Hat avec quasiment cette attaque de slot informatique qu'on voit et qui est répliquée dans cette séquence au milieu du film avec ce qui est la couverture de ton film, avec ces deux équipes qui sont en train de se tirer dessus, et on a vraiment cet échange qui est reproduit mais dans le monde réel, avec une violence. Oui, parce que ce que montre, à mon avis, la force de Black Hat, c'est que en fait chaque film de Michael Mann, de cette manière, on sent qu'il progresse dans sa réflexion. Il y a quelque chose qui se joue à chaque fois. Il est allé un coup plus loin que le film précédent parce que le monde est allé un coup plus loin. Et comme il veut toujours être maximum à l'heure, c'est quelque chose qui l'intéresse. Dans Black Hat, on voit bien que cette fois, cette espèce de monde virtuel, ce monde technologique, etc., non seulement il est présent de fait comme il est depuis 10, 15, 20 ans, la différence cette fois, c'est qu'il s'invite dans le monde réel. Autrement dit, il y a une espèce de révolution à 180 degrés du cinéma de Michael Mann avec Black Hat, puisque jusque-là, c'est comment est-ce qu'on arrive à contenir en fait le surgissement de la technologie, de la déréalisation, de la vidéo, du virtuel dans le monde contemporain. Comment on arrive à le contenir? Dans Black Hat, ce n'est plus le même problème. Le problème, c'est comment est-ce qu'on arrive finalement à tenir encore debout dans un monde qui s'est complètement virtualisé. D'où l'arrivée, effectivement, des slots de disque dur. C'est qu'il y a un moment, on a presque le sentiment que les humains sont des erreurs dans cette espèce d'espace-là. Je veux dire, bon, on cherche des balises, on est dans un espace. Moi, j'aime beaucoup le moment où Chris Hemsworth arrive dans l'espèce de square dont on dit qu'après qu'il n'y a rien. On voit bien la vieille vision classique, ben je regarde, il n'y a rien. Mais ce n'est plus comme ça le monde. En fait, il y a tout. Le problème, c'est que tu n'as plus les outils pour, parce que tu es étranger dans ton propre monde. Hein, tu es étranger dans ce monde un peu humain, matérialiste, un peu physique, etc. C'est complètement fini. Et donc, ces gens-là deviennent eux-mêmes, on pourrait presque dire, les virus, les corps étrangers d'un monde qui apprend à se passer d'eux. Alors que la séquence d'ouverture te montre, au contraire, la puissance du virtuel, elle est dans son univers. Et quand on passe dans le monde réel, on se dit, le monde réel, il est complètement contaminé. Et je pense que c'est vraiment ce que raconte Black Hat, en quoi ce n'est pas du tout un film qui répète, d'une certaine manière, ce qui a été fait auparavant. C'est au contraire un film qui apporte une nouvelle pierre à la réflexion de Mann sur la question de la technologie. Et qui l'étend, et qui, on en parlait avec Lucien, qui est quasiment plus pertinent aujourd'hui qu'il ne l'a été même à sa sortie. Oui, bien sûr, ça évidemment. Ça, c'est la force des films qui sont... ce qui est compliqué aussi, parce que cette espèce de désir de Michael Mann d'être parfois d'être à la pointe de quelque chose qu'il sent, en fait, c'est ça les artistes. Hein, c'est qu'il, ça joue presque contre lui dans ce cas-là. Parfois, oui. Et comme le niveau du cinéma américain, l'exigence des spectateurs étant devenu ce qu'il est, cette espèce d'intuition, de fait d'être un peu aux avant-postes de quelque chose dans Miami Vice, qui à mon avis a été le moment de bascule. Mann a sans doute dû sentir, ou aurait dû sentir, qu'avec Miami Vice, il était allé le plus loin possible là-dedans. Ça a été limite. Il a été quand même à deux doigts du fiasco avec Miami Vice, d'autant que le tournage a été très compliqué, etc. Mais c'est passé. Et avec Black Hat, c'est pas passé, quoi. You understand the meaning of the word foreboding? As in badness is happening right now. En arrière, à propos de la vidéo, la télévision, le rapport à la télévision dans Sixième Sens, il y a ce truc de Sixième Sens serait un peu en tout cas une critique, ou en tout cas une critique de la télévision, en tout cas enfin un regard critique dessus, et le combat entre la télévision et le cinéma. Mais en même temps, comme tu l'as dit, Mann va énormément faire de télévision, va le prendre comme un laboratoire, en tout cas tester énormément de choses. Et j'ai l'impression qu'on retrouve là ce rapport que Mann entretient avec la télévision ou avec la publicité. La publicité, alors que tu l'as rappelé plusieurs fois, il est issu de la nouvelle gauche américaine, etc. Alors qu'il en produit en même temps la critique. Donc il y a ce truc où il produit la critique des images du capitalisme ou de la télévision ici en l'occurrence, mais en même temps ça le fascine. Il y a une scène dans Heat qui est absolument formidable à ce niveau-là, qui est la scène de Vincent Hanna avec son poste de télévision c'est pour reprendre juste la télévision, mais ce truc de répulsion, fascination, moi c'est un truc que j'arrive pas à voir comment est-ce qu'il peut ménager les deux au sein de son cinéma, même si voilà. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à voir, mais c'est tout le cinéma de Michael Mann. Je comprends pas comment est-ce qu'il arrive à ménager les deux. Il y a pas à comprendre ou pas à comprendre. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il fait, et je pense que c'est la force de son cinéma, c'est que de pas du tout en fait refouler. En fait, le truc il est là. Hein. C'est il faut pas refouler de cette manière la dimension publicitaire du monde. Ça veut dire quoi la dimension publicitaire? Ça veut dire c'est la dimension lisse ou superficielle de la société de consommation. Voilà. Mann étant un cinéaste obsédé par l'arrière-monde, la profondeur existentielle, enfin tout ce qu'on veut, il se dit peut-être, je peux peut-être dire ça, mais dire, si je veux être efficace, prenons le monde tel qu'il est. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est de ne pas refouler ça du tout. Parce que c'est la meilleure façon de parler de certaine manière de ce monde-là, c'est de le prendre tel qu'il est d'abord. Et tel qu'il est d'abord, c'est de la publicité. On vit dans un monde publicitaire. Mais aussi bien les images, le comportement des gens, les idées. Aujourd'hui, moi, je suis convaincu, les gens pensent par slogan. Hashtag. Par hashtag. On creuse, il n'y a rien. Mais voilà, c'est comme ça. On est à la surface des choses. Et cette dimension de la surface et de la superficialité, elle est capitale chez Bad et elle commence à arriver avec Révélation. Elle est ultra développée dans Miami Vice parce qu'il a cette conscience aujourd'hui de la surface des choses. C'est la manière dont il va lui-même mettre en scène. C'est qu'il faut glisser sur les choses parce que le monde glisse sur tout, en réalité. C'est ça qui, lui, l'intéresse beaucoup via la publicité, ou la télévision, etc. Donc il se dit, je prends le monde tel qu'il est. Et le monde tel qu'il est, c'est prendre les images que produit ce monde tel qu'elles sont. Voilà. Et il a conscience aussi que si ce monde s'est imposé à du succès, c'est qu'il a une dimension séduisante. On n'est pas tous des masochistes. Hein, c'est-à-dire qu'on adore aussi ça. Je veux dire, il y a une part de nous qui adore, qui est séduite par la publicité, par la facilité, par le côté rutilant, par la consommation rapide, etc. etc. Je veux dire, le succès des smartphones qu'on a montre qu'on est complètement dépendant de ça. On est capable, quand Steve Jobs s'exprimait, on a l'impression que c'est la messe. Non, mais c'est fascinant de voir où on en est, où est-ce qu'on s'est mis à loger le sacré. Hein, et Mann, il a parfaitement compris ça. Je parlais de la nouvelle gauche américaine, mais c'est l'école d'Adorno, c'est du Guy Debord, si on veut. Mais la différence de Michael Mann, c'est comme c'est un Américain qui veut, il veut aussi rendre efficace et grand public cette critique-là. Il faut qu'elle porte la critique. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Sinon, on fait des films pour des petites niches de gens déjà convertis. Et le cinéma, pour le coup, militant, de gauche, il existe. Il a été fait 1000 fois, etc. Il n'a jamais changé le monde. Voilà. Bon, Mann, il se dit, moi, je suis au cœur de la machine. C'est son obsession. Bon, pour être la résistance aujourd'hui, elle est au cœur. On peut plus la faire comme il y a 30-40 ans à l'extérieur, au cœur de la machine. Et pour être au cœur de la machine, faut être prestidigitateur. Donc il faut agiter le chiffon de la séduction parce que la séduction, on peut dire c'est nul, mais il n'empêche qu'elle est opérante. Et y compris même pour lui, par moments, la façon dont il filme. Je veux dire, il y a des moments de Miami Vice ou de Collateral, on a presque le sentiment que ce sont des inserts publicitaires à l'intérieur de son film. Donc il le prend totalement en charge et il va déconstruire cette séduction-là, en montrer l'envers. Il va creuser pour montrer soit la pathologie, soit l'horreur de tout ça, ou le coût économique. À début de Miami Vice, moi j'adore dans Miami Vice la façon dont Montoya, qui est donc le grand Manitou du cartel, se déplace là dans les rues, je ne sais plus si c'est Haïti ou ailleurs, dans des rues jonchées de déchets. Voilà, tout est dit. Mais on voit bien, par exemple, si on compare avec le Cosmopolis de Cronenberg et Don DeLillo, mais le Cosmopolis de Cronenberg, on voit bien que c'est un film qui à aucun moment n'essaie, parce qu'il y a des plans extraits, de sextraire les deux. Ouais, autrement dit, de nous dire, ouais, mais bon, alors tout le monde est là-dedans, c'est ça que tu critiques, mais pourquoi tout le monde est là-dedans? Et Mann, il fait ce pas de côté, et qui, à mon avis, est capital, mais même d'un point de vue de la stratégie politique, hein, et donc de la façon dont la critique peut porter, est beaucoup plus fort. Mais en dehors du pourquoi, parce que ça c'est vrai que c'est une question qui travaille toute sa filmo, est-ce qu'il ne nous dit pas aussi qu'on a très peu d'impact là-dessus? C'est ce que Miami Vice, enfin la fin de Miami Vice, c'est particulièrement porteuse là-dedans. C'est-à-dire qu'à la fin du film, on est au début. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a changé, tout le monde s'est agité dans tous les sens, mais rien n'a changé, littéralement. C'est son côté, et là je veux... À mon sens, au tien aussi, je crois. Là, je vais ouvrir. Je sais que j'ouvrirai une boîte de Pandore, mais est-ce que c'est pas le côté baudrillardien de Michael Mann? Non, bah écoute, je la referme tout de suite, ta boîte de Pandore. Non, non, c'est pas. Non, oui, Baudrillardin. Mais parce que Baudrillard fait partie de cette. En fait, de ce moment de la French Theory des années 70, dans lequel Mann a baigné. Enfin, il suffit de se souvenir d'un des plans d'ouverture de Black Hat, voire de ce que lit Chris Hemsworth, ce qui est d'ailleurs très drôle parce que personne ne croit un quart de seconde que cette endive blonde est en train de lire Foucault et Baudrillard. Non, mais c'est une évidence. Ou Derrida. Donc c'est Michael Mann qui nous met sa bibliothèque là, voilà. Parce que moi à l'époque j'avais trouvé un tout petit peu too much, pour être tout à fait honnête. Je veux dire, c'est pour moi c'est la, voilà. D'ailleurs si les Wachowski font la même chose au début de Matrix. Oui, mais bon, c'est autre chose, hein, c'est que c'est pas. Je dirais que les Wachowski. Elles sont pas juste posées là, ça c'est vrai. Oui, oui, c'est que et puis c'est pas systématique et ces films en certaine manière c'est presque en ouverture de film et ils n'ont pas avant réalisé des films qui permettraient de déduire tout ça. Là, Michael Mann, il y a une sorte, c'est même pas un coming out, c'est une façon de nous dire quelque chose qu'en réalité on savait déjà. Bon, et ça lui a fait plaisir sans doute de nous montrer un bout de sa bibliothèque. Il manque Karl Marx, il manque deux trois trucs, mais bon, mais ça c'est un jour je me permettrai de lui dire qu'est-ce qu'il lui a pris, hein, pourquoi ça, parce qu'encore une fois il y a une telle, pourquoi je dis ça, parce que il y a une telle déconnexion malgré tout de crédibilité entre l'acteur, l'homme qu'on est en train de voir dans la cellule et ses lectures. C'est ça qui fait étrange, qui a produit l'étrangeté. C'est pas le fait que quelqu'un lise Foucault Baudrillard, c'est que ce soit ce type-là, que ce soit Thor, Chris Hemsworth qui lise. Scénaristiquement, il y a d'autres choses qui sont un peu étranges, oui, comme sûr, le fait sûr. Que ce gars-là qui est un réchappé de d'un prisonnier qu'on a sorti, que le FBI a sorti pour venir les aider, se retrouve un moment avec un machine gun en main à aider le FBI, ça, oui, à aucun moment c'est plausible. Non, mais ça on s'en fout. On s'en fout complètement. Je veux dire. Non, mais je suis d'accord. Non, mais tout ça pour répondre à ta question sur le fait que le dénouement, enfin cette idée qu'à la fin il n'y arrive pas, pour moi c'est pas l'enjeu des films. C'est-à-dire que bouleversant, mais c'est peut-être pas l'enjeu. Voilà, c'est-à-dire que à la fin de Révélation, Pacino, il a plus de place, il disparaît. À la fin de Black Hat, les deux sont pris dans un vidéo, etc., disparaît. On pourrait comme ça multiplier les exemples. À la fin de Miami Vice, Colin Farrell retourne dans le flux. Oui, mais bon, est-ce que l'enjeu du film, c'est qu'un petit bonhomme ait gagné la malle au trésor à la fin ? Non. L'enjeu du film, c'est qu'en tant que spectateur et que le personnage lui-même, il a compris le monde. La valeur suprême pour Michael Mann, c'est ça. C'est pas d'avoir gagné le gros lot, c'est pas d'avoir réussi à, mais il y a l'accomplissement absolu pour lui et pour les personnages. Et même si ça produit du tragique, hein, après c'est toujours la même chose, on revient toujours à la même question. Est-ce qu'il vaut mieux vivre, mais c'est déjà une discussion qui est dans Matrix, hein. Est-ce qu'il vaut mieux, en fait, manger, enfin, je pense que c'est quand ça c'est génial, un faux steak qui a le goût d'un super steak? Et donc avoir le goût d'un super steak tout en sachant qu'il est faux, ou alors se prendre un vrai steak un peu dégueulasse, mais c'est un vrai steak. C'est tout. Mais c'est une vraie question baudrillardienne, c'est une vraie question philosophique. Et on n'est pas tous obligés de répondre que ah non, mais moi c'est vrai steak. Non. Moi par exemple, je me dis, ben, moi qui ne suis pas un grand amateur de nourriture en général, soleil vert, ça me bat. Hein. Si on me donne demain des pilules soleil vert, ça ne me pose aucun problème. Bon, si ça a le... Autrement dit, est-ce que le goût du steak n'est pas le steak lui-même ? Voilà. Et ce que nous raconte Michael Mann, en fait, c'est que peu importe qu'à la fin il ait perdu ou gagné ou qu'il soit mort, qu'il ait même succombé à tout ça, à la fin, il a compris le monde. Et pour Mann, cette espèce de on pourrait dire de révélation dans tous les sens du terme, politique, mystique, elle est capitale. En fait, c'est le prix. Hein, de ces histoires et de ces films, c'est ça qu'ils cherchent. Après, au niveau du scénario, savoir que le personnage a gagné, perdu ou s'est sacrifié, oui, bien entendu, mais je dirais que c'est pas anecdotique, c'est secondaire en réalité. Quand on sort de Révélation, on se dit pas oui, mais finalement, il pourra plus bosser chez CBS. Est-ce que c'est vraiment l'enjeu du film? Non, mais par contre, ça nourrit l'affect. Ça nourrit l'affect et le tragique aussi, parce que certains personnages, dans ce trajet-là, vont sortir du récit, avec notamment cette récurrence de la figure du suicide chez Michael Mann. Quoi. Oui, mais parce que Mann, il a, je veux dire, après, le simple fait de montrer aussi des individus qui ont mis à jour, via le processus du film, ou qui ont dévoilé la réalité, le fonctionnement du monde tel qu'il est, est-ce que c'est pas déjà se dire que pour l'avenir ou le futur, c'est le point de départ d'un changement du monde, c'est sa compréhension. C'est un truc on en parle souvent, c'est très à la mode aujourd'hui, tant qu'on ne fait pas le bon diagnostic, on ne peut rien faire. Et c'est ce que Mann passe son temps à dire, en fait, on ne pourra jamais rien faire tant que vous ne comprenez pas comment ça marche. Mais comment ça marche, comment les entreprises marchent, comment le capitalisme marche, comment il se déguise, comment on résiste. Si on n'arrive pas à dévoiler ou à expliquer ou à comprendre le monde, toutes les actions ne servent à rien, y compris la critique. La critique mal portée, c'est une critique qui n'existe pas. Et c'est ce qui obsède Michael Mann, c'est ouvrir les yeux. L'action première, c'est prendre de la hauteur. L'action première, c'est prendre de la hauteur, c'est se retirer quelque peu. I got fired because when I get angry, I have difficulty censoring myself and I don't like to be pushed around. I'm not pushing you around. I'm asking you questions. I'm just a commodity to you, aren't I? I could be anything, right? Anything worth putting on between commercials. To a network, probably we're all commodities. To me, you're not a commodity. What you are is important. You go public and 30 million people hear what you got to say, nothing, I mean nothing, will ever be the same again. You believe that? No. You should. Because when you're done, a judgment is going to go down in a court of public opinion, my friend. And that's the power you have. You believe that? I believe that. Yes, I believe. You believe that because you get information out to people, something happens? Yes. Maybe that's just what you've been telling yourself all these years to justify having a good job, having status. Maybe for the audience, it's just voyeurism, something to do on a Sunday night, and maybe it won't change a fucking thing. And people like myself and my family are left hung out to dry, used up, broke, alone. Are you talking to me, or did somebody else just walk in here? I never saw any of that. Understand? No, exactly. Don't evade a choice you got to make by questioning my reputation or 60 Minutes with this cheap skepticism. I have to put my family's welfare on the line here, my friend. And what are you putting up? You're putting up words. Words. While you've been dicking around some fucking company golf tournaments, I've been out in the world giving my word and backing it up with action. Now, are you going to go and do this thing or not? I said I'd call the kids before they went to bed. Vanessa! D'ailleurs, il y a un moment où tu parles dans le bouquin aussi que Lowell Bergman, le Al Pacino, dit dans une des... Je crois que c'est la première scène où il rencontre Russell Crowe dans la chambre d'hôtel. Russell Crowe lui dit « Mais toi, tu bossais pour un journal... pas satirique, mais très contestataire, de gauche, il y a quelques années, et maintenant, t'es sur CBS. » Et là, il lui répond, « Ouais, mais c'est beaucoup regardé. » Donc, en fait, est-ce que la position de Mann au sein des studios, c'est pas aussi celle qui... la même critique, quelque part, qui propose par rapport au monde contemporain, c'est-à-dire d'être un maverick, en fait, d'être dans la machine, la comprendre... et pouvoir du coup faire sa critique qui va toucher au maximum de personnes. Oui, bien sûr, mais je pense que comme toujours, le Mann est diffracté dans tous ses personnages. C'est-à-dire que la somme de tous les personnages de Mann égale Michael Mann. C'est pour ça que aller voir Michael Mann, lui poser des questions, etc. Mais il suffit de regarder les films. Et je pense que Pacino, d'abord pour des raisons presque d'âge, d'origine biographique, même dans le film, Al Pacino a le même dans le récit, hein, a le même prof qu'a eu Michael Mann. Herbert Marcus, qui est quelqu'un qui a l'homme unidimensionnel, qui a beaucoup beaucoup marqué la jeunesse engagée américaine des années 60. Hein. Il y avait Timothy Leary pour les amateurs de psychotropes, et puis il y avait Marcusi et d'autres, mais ça a été quelqu'un d'important. Donc le fait que Pacino ait l'âge de Michael Mann, ait eu le même prof que lui, travaille dans un grand groupe CBS et fasse des films en insider. Parce que la question du film, c'est toujours, c'est qui l'insider dans Révélation, hein, moi, je pense qu'il y en a deux, mais il y en a un qui s'ignore. Mais bon, et fait évidemment que Pacino est une sorte de presque d'alter ego de Michael Mann. Et les réponses qu'il donne à ce moment-là à Russell Crowe, qui lui dit effectivement, vous avez travaillé dans Ramparts. Ça veut dire Ramparts, c'est quoi? Ça veut dire vous avez été en gros dans les années 60 dans un magazine où on appellerait ça en France, en Belgique, un prosine. Hein, une espèce de feuille de chou contestataire de la Free Press américaine, autrement dit qui ne parlait qu'à des gens qui pensaient la même chose. Hein. Ça, c'était le mode d'action dans les années 70. Et d'ailleurs, ça a marché. d'une certaine manière, que ce soit le rapport au Vietnam, à tout ça, ou jusqu'au Watergate, c'est-à-dire que c'était le mode de contestation du pouvoir, et jusqu'à le moment où on a réussi à le faire plier. Michael Mann, alors c'est pour répondre à l'action de Lucien sur le rapport baudrillardien, il a lu Baudrillard, qui a expliqué très très bien combien, si on n'a pas compris qu'on a complètement changé de paradigme, la lutte et la critique devient inefficace. Autrement dit, le système est englobant. Donc, croire qu'il y a une position extérieure au système, c'est ne rien comprendre au monde dans lequel on est. Et il y en a encore plein qui pensent ça aujourd'hui, hein. Plein, je veux dire, partout dans le monde, quoi. Et Michael Mann dit non, il n'y a plus de position extérieure au système, le capitalisme est quelque chose d'englobant, hein. Et d'ailleurs même qui produit, et c'est les phases de Baudrillard très très belles, sur le système a besoin de produire en contre-champ de lui-même l'illusion d'un contre-pouvoir. Il y a même, c'est ce qu'on appelle les idiots utiles en politique, ouais, il y en a plein. Et ce que nous raconte Michael Mann, c'est pas ça. Ce que nous raconte Michael Mann, c'est, et via le personnage de Pacino dans Révélation, justement, c'est de nous dire les temps ont changé, la société a changé, le capitalisme a modifié les rapports de force et le périmètre d'action, etc. Donc il faut que nous, en retour, on se pose la question de la résistance, qui est une question très spatiale. Ce sont des contre-pouvoirs qui s'annulent presque. Oui, oui. Et surtout que moi, ce que j'aime beaucoup dans les écrits de Baudrillard, c'est la façon dont il convertit très, très souvent ses problèmes en problèmes spatiaux. Faut être bon en géométrie dans l'espace pour comprendre Baudrillard, et c'est un peu intéressé un cinéaste, ça, c'est-à-dire cette idée que, et c'est tout à fait vrai dans les films de Michael Mann, un cinéaste étant quand même quelqu'un qui s'intéresse un peu à l'espace, à l'architecture, et on voit bien combien la pensée de Baudrillard, qui est une pensée très spatiale, très conceptuelle, mais au sens vraiment de la géométrie dans l'espace, intéresse Michael Mann. Et Pacino dit, ben moi maintenant, sous-entendu, j'ai été comme Michael Mann, un type un peu militant des années 70, dépositaire d'une certaine vision de la politique et de la résistance et de la critique et de l'opposition, on pourrait dire, à un système dominant. 30 ans plus tard, tout a changé. Le système dominant, il est englobant. Donc, si on veut continuer à produire de la critique, attention, ou à faire bouger, ou à éveiller des gens, ou à, etc., etc., à ce moment-là, c'est au cœur du système qu'il faut le faire. Et Baudrillard a écrit un livre intégral là-dessus qui s'appelle « Les stratégies fatales ». Autrement dit, ce n'est plus des stratégies d'opposition, hein, ce qui suppose un contre-pouvoir, donc une extériorité au système. La stratégie fatale, c'est Néo dans Matrix, quoi. C'est-à-dire que c'est faut emballer le système. Voilà. Et quand, effectivement, Pacino dit « je suis regardé par les gens », là, on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est ce que Michael Mann comprend, c'est que une critique efficace est une critique qui porte. C'est-à-dire qu'on peut faire la critique la plus intelligente du monde, avoir fait la meilleure analyse possible, quel que soit le domaine, si elle n'a aucun écho, aucun impact, c'est donc elle est inefficace. Hein ? Il n'y a pas de critique efficace que de critique qui porte, mais c'est vrai partout. Et ce que raconte Pacino, c'est ça. C'est de nous dire, il s'excuse même pas. Il dit que le monde a changé, les modalités de l'opposition et de la résistance ont changé, et qu'aujourd'hui, c'est au cœur du système. Alors évidemment, ça veut dire que la critique, elle mute. On est en contrebande. C'est de façon plus subtile, plus discrète. Voilà, il n'est pas en train de dire que la critique est exactement la même. Mais en tout cas, c'est depuis l'intérieur d'un empire, qu'on est presque en train de critiquer. Empire d'ailleurs financier, médiatique ou cinématographique. Universal... MGM, son patron l'insulte entre guillemets d'anarchiste à un moment. Oui, bien sûr, et parce qu'en plus c'est des gens de la même génération, entre parenthèses, et qui sont passés par les mêmes histoires politiques, mais ils n'ont pas évolué de la même manière, et libre à chacun d'évoluer d'une façon ou d'une autre. Enfin, là, Mann est aussi un cinéaste qui est contemporain des renoncements, beaucoup des renoncements des gens de sa génération dans les années 80-90. Enfin, nous, on dit souvent en France, regardez, les 68ards sont ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron, ce qui est vrai. C'est assez fou quand on y pense un quart de seconde. Donc, les années 60-70 contestataires, cette espèce d'ADN politique qui est celui de Michael Mann, tout le monde n'a pas évolué de la même manière aux États-Unis ou dans le monde, etc. Et Michael Mann est resté, de ce point de vue-là, dans le fond, plutôt un radical, hein, un vrai marxiste. C'est quelqu'un qui continue, évidemment, à travailler à l'intérieur d'un gros système. Il fait des films qui coûtent et qui sont quand même des gros budgets. Mais le fond de tous ces films est un fond marxiste. Moi, encore une fois, j'invite les auditeurs à revoir Collatéral dans cette optique-là. C'est une vraie leçon d'économie politique et de rapport de force dans les sociétés. C'est ça. C'est, vous regardez Collatéral, c'est pas uniquement l'histoire d'un tueur de taxi qui signe un contrat avec un tueur à gages dans cette virée nocturne qu'on connaît. Non, il y a déjà ça dans Le Solitaire. Oui, bien sûr, mais parce que c'est la conviction de Michael Mann dès le départ. Mais encore une fois, c'est quelque chose de, c'est, dont l'origine est marxiste. C'est-à-dire que je vois qu'ici, il y a quelque part le Capital de Marx, qui doit être lu régulièrement, etc. Mais non, mais l'idée de base de Marx, du marxiste que retient Michael Mann, c'est qu'on ne comprend rien au monde si on n'a pas fait une analyse des rapports économiques et donc des rapports de force. Après, il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent à ça. Mais ce fond-là, Mann ne l'oublie jamais. Donc, il ramène toujours, à un moment donné, ses récits à une question économique, très, très concrète. Et ça, c'est le côté marxiste. C'est à ça qu'on reconnaît un marxiste, c'est qu'il dit, attends, économiquement, où on en est ? Hein, qui maîtrise, qui utilise la force de l'autre, quel est le rapport d'exploitation, qui a le patrimoine, qui ne l'a pas, etc. Il y a toujours chez Michael Mann ce moment où on met à plat, on pourrait dire, la réalité économique des rapports de force dans le récit. Et c'est cette scène violente avec Gina Gerson dans Révélation, où tout d'un coup le monde de Pacino s'effondre, et ce qu'il a en fait dit à Russell Crowe dans cette chambre d'hôtel en fait est déjà dépassé en fait. Cette critique n'est déjà même plus possible au sein du système. Bien sûr. Et ce qui est passionnant aussi, c'est que dans Le Solitaire, on parle d'argent concrètement. Il y a des sommes qui sont données. Et plus on avance dans la filmographie de Michael Mann, plus l'argent disparaît. C'est montré autrement. Ce rapport à l'économie-là passe de manière très différente. Oui, parce que le Solitaire et James Caan, il est encore dans un... Ancré dans... Il est dans un... Il y a plusieurs âges du capitalisme. Et James Caan, il est dans l'âge du capitalisme. En gros, du début du XXe siècle, ce qu'on appelait le capitalisme industriel. Je veux dire, à l'époque, le capitalisme naît quand même, enfin, tel qu'on connaît dans le XXe siècle, dans les années 20, lorsque Henry Ford, le patron de Ford, se met à dire on va fabriquer des voitures pour que nos propres ouvriers les achètent. C'est quelque chose d'incroyable, hein, mais c'est là que ça naît. Et James Caan, il appartient encore à ce capitalisme industriel, d'une certaine manière, de l'industrie, du physique, de l'argent, etc., etc. Alors que dans le film d'après, les qui reparle de ça... concessionnaire de voitures. Concessionnaire de voitures. Dans le film d'après, quand on arrive à Heat, on voit bien que l'argent n'est quasiment plus présent. C'est des bons porteurs. Bien entendu. Et là, on rentre dans l'économie capitaliste beaucoup plus contemporaine, à savoir les bulles, la spéculation, etc. Alors que James Caan, la spéculation, ce que lui propose d'ailleurs Léo, hein, et ce qui va provoquer le dernier acte assez dramatique du film, il n'en veut pas. Hein, donc lui, il a encore dans un rapport un peu ancien, je veux récupérer ce qu'il appelle le fruit de mon labeur, ma sueur, enfin tout ce qui est, tous les différents mots qu'il emploie pendant tout le film, en l'expliquant que voilà, son travail, ça vaut tant. Hein. Et on voit bien qu'au fur et à mesure, dans les films de Mann, on déconnecte de plus en plus la réalité du travail et de sa valeur avec le monde économique et le monde de la spéculation et de la bourse. C'est tout ce qu'il y a dans, particulièrement dans Blackout. C'est vraiment le propos. Bien sûr. This is a riverbed. They divert water with static pumps. You know why Chaiwan reactor? We've been looking through the looking glass the wrong way. He didn't target the reactor to knock out the reactor. He targeted to knock out the pumps. He was rehearsing. It was a rehearsal. Chaiwan was a rehearsal. He's gonna shut down these pumps and flood the tin mine and the valleys and the villages, village people, village dogs. Create a shortage in tin, tin prices will rise and shoot up. His $74 million from Chicago is to buy options on tin ore. That's what you're doing, isn't it, you son of a bitch? Vous écrivez aussi dans votre bouquin que, en tout cas au moment de LA et de Heat et de Collateral, LA est la cartographie secrète des films de Michael Mann. Et plus tard, vous dites que le personnage, il a de plus en plus de mal à trouver sa place dans ce tissu urbain. Et je voulais savoir, on a parlé plusieurs fois d'architecture et en tout cas de cette idée de réseau, etc. Est-ce que vous pouvez expliquer juste cette notion de cartographie secrète, en quoi elle est et sa géographie serait une cartographie secrète ou serait une clé, en quoi les espaces urbains seraient une clé pour comprendre les films? Alors, j'ai essayé de faire une réponse rapide parce que c'est pas compliqué, mais c'est vaste comme sujet. On n'a qu'à se dire la chose suivante, c'est que mais ça relie aussi bien la question économique que la question politique, la question de l'opposition, de la critique, etc. Il y a deux modèles. Il y a le modèle pyramidal, Bon, autrement dit, un système, une entreprise, une société est fondée sur un modèle pyramidal. Et autrement dit, plus on monte dans la sur l'échelle de la pyramide, plus on atteint quelque chose qui ressemble au sommet du pouvoir. Autrement dit, il y a une espèce presque de rapport de classe qui est lié à l'architecture. Savoir que quand on veut attaquer un système, une entreprise, un consortium, il faut monter, il faut atteindre la tête. Voilà. Ça, c'est, je dirais, c'est toute la contestation et l'analyse politique américaine jusqu'au milieu des années 70, que relaie totalement le cinéma américain, le système pyramidal. Et là, on pourrait presque se dire que New York est la ville de ça, la ville debout. Donc la ville de la vieille Europe, c'est-à-dire avec un centre. Hein, à New York, il y a un centre. Et puis, peu à peu, plus on s'éloigne, plus on va vers quelque chose qui s'appelle la périphérie. Et plus on monte dans les tours, jusqu'à Trump Tower, etc. On atteint qu'il y a une équivalence entre le pouvoir et le sommet. Bon. Ça, c'est le modèle pyramidal qui, à un moment dans l'histoire de l'Amérique ou du monde contemporain, se met à évoluer et devenir un modèle qu'on pourrait appeler le modèle réticulaire. C'est-à-dire que le réseau remplace la pyramide. Voilà. Et tout problème, c'est que beaucoup de gens ont pensé pendant très longtemps à l'heure du réseau qu'ils étaient encore sur le modèle pyramidal. D'où leur retard, d'où leur anachronisme, etc. Trois jours du Condor. Vous avez tous vu Trois jours du Condor, Sidney Pollack, dernier plan, il comprend que c'est un réseau. Ah, bon, trop tard, le film s'achève. Mais bon, et donc ce modèle du réseau, c'est quoi ? C'est le contraire. Enfin, le contraire. Là où on avait quelque chose qui était, d'un point de vue presque, encore une fois, géographie, c'est presque la géométrie, dans l'espace, un modèle architectural particulier, avec une base, un sommet, une hiérarchie spatiale et architecturale extrêmement claire, on passe cette fois-ci à un réseau. Le réseau, c'est quoi ? C'est quoi le principe du réseau ? C'est qu'il n'y a pas de limite au réseau. Autrement dit, il y a la périphérie et le centre, ces deux notions-là disparaissent, et il n'y a pas de centre au sens où il n'y a pas de sommet. Ça veut dire que quand vous prenez un réseau, il y a eu beaucoup de textes de livres écrits là-dessus, je pense à un bouquin super d'un mec qui s'appelle Pierre Musso, qui s'appelle « Critique des réseaux », qui explique très très bien ça. Dans un réseau, l'idée c'est que chaque nœud peut à tout moment devenir un centre. Voilà. Donc il n'y a pas de centre et il n'y a pas de périmètre. Autrement dit, le réseau, il est par nature infini. Enfin, c'est Tron, quoi. Bon. Donc ce qui est intéressant dans le cas de Los Angeles, c'est que ça devient, dans les années 90, et même un peu 80, c'est la représentation urbanistique de ça. C'est-à-dire que New York, c'est une ville pyramidale. C'est une ville ancienne, d'une certaine manière, d'un an, voilà. Et nous, Los Angeles, c'est la ville du contemporain dans les années 90. Et Los Angeles, c'est la cartographie des films de Michael Mann, puisque lui-même va enregistrer ce passage d'un modèle à un autre. Quand vous êtes à Los Angeles, il n'y a pas de centre. Vous êtes déjà allé à Los Angeles, peu importe, on l'a vu dans les films, etc. Il n'y a pas de centre à Los Angeles. Los Angeles, c'est une ville totalement réticulaire. C'est que chacun se croit le centre d'un autre endroit. Pour certains, c'est Santa Monica, pour d'autres, c'est Los Feliz, pour d'autres, c'est Long Beach, Beverly Hills, peu importe. Il n'y a pas de centre à Los Angeles. C'est une ville qui est plate comme un réseau, couchée, véritablement. Et c'est une ville secrète parce que si on n'a pas, en fait, les codes architecturaux. Alors à New York, plus c'est haut, plus ça brille, plus vous dites c'est important, il se passe un truc. C'est ce qu'avait bien compris McTiernan entre bien sûr, son premier et son troisième. Oui. Alors que dans Los Angeles, non. Vous pouvez, mais c'est, moi je l'ai expérimenté les premières fois où je suis allé à Los Angeles, et même beaucoup de gens l'expérimentent. Vous pouvez circuler dans la ville qui est quand même tentaculaire, Los Angeles. D'ailleurs, c'est le grid, on l'appelle le grid. Ce que je trouve très intéressant d'ailleurs, c'est qu'on ne dit pas, il n'y a pas de skyline à Los Angeles. On voit très bien le skyline de New York, il n'y en a pas à Los Angeles. On a parfois downtown, mais bon, je veux dire, on a un grid. Autrement dit, c'est un réseau lumineux autoroutier à perte de vue. Et donc, Los Angeles devient naturellement, on pourrait presque dire, la ville que Michael Mann va élire par rapport à tout ce qui l'intéresse, à la vision qu'il a du monde contemporain. Il est à Los Angeles dans les années 90. Mais il ne va pas s'arrêter là, puisque je pense qu'à partir du début des années 2000, il y a encore Collateral qui va faire là. Rappelons que Collateral, le scénario à l'origine, seul scénario dont il n'est pas à l'origine, se situe à New York. Et c'est Michael Mann qui dit on va le déplacer à Los Angeles. Ce qui change considérablement le film. L'ouverture, par exemple, de Collateral. Tous les rapports de Vincent, le chauffeur de taxi, à la multitude, à l'indifférence, à l'anonymat, etc. À New York, ça ne marche pas. Enfin, je veux dire par là, c'est que le personnage de Vincent, tel qu'il a été réécrit à mort par Michael Mann, et même l'ouverture du film, enfin, tout ça ne peut fonctionner qu'à Los Angeles. C'est vraiment Tom Cruise en Collateral, une émanation, en fait, de cette ville. Et d'ailleurs, il la déteste. Et s'il la déteste à ce point-là, c'est qu'elle raconte quelque chose de lui. Bah, mais oui. C'est quoi le rapport de la, comment de formuler ça, mais de la chance, du hasard, justement, particulièrement dans Collateral, où... tu le dis très bien, ce côté réticulaire, les lignes de fuite qui paraissent infinies, les personnages se croisent à jamais, etc. Et à côté de ça, on rentre dans un taxi par hasard, on sauve sa peau en tuant l'autre, en tirant dans le noir. On est sauvé presque in extremis par un flic qui fait un peu son boulot, par chance, qui est incarné par Marc Ruffalo. Même dans Miami Vice, c'est aussi un côté un peu qui rejoint un peu ça à travers le fait que la direction des véhicules n'est jamais montrée à l'écran, si ce n'est quand dans l'histoire on sait exactement où ils vont, ce qui est un truc extrêmement discret mais génial à la fois. Voilà, en fait, où est la part de hasard dans le cinéma de Michael Mann ? Alors, moi, je ne prendrais pas le problème comme ça. Je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, je pense que la question du hasard, de l'accident, de l'imprévisible, de ce qui a lieu, etc., ça raconte deux choses chez Michael Mann. Un, son rapport à la maîtrise, qui est quelque chose d'obsédant chez lui, mais en tant que cinéaste, Et surtout sur la façon dont, en fait, le monde contemporain transforme, on pourrait dire, nous transforme en individus qui sont toujours dépendants, d'une certaine manière, d'événements qui leur échappent totalement. Je pense que c'est ça qui est intéressant dans le rapport du hasard et de l'imprévisible chez Michael Mann. Le personnage classique américain, ou l'homme classique américain, il a une prise sur les événements. C'est lui, son action modifie sa propre vie et modifie le monde. Il est, d'une certaine manière, celui qui... il a la main. Autrement dit, les choses n'avancent qu'à partir de ses actions. Et donc, par rapport à tout ce qu'on vient de raconter, dans le cadre de Michael Mann, cette question de l'humain, de sa place dans le système, de la façon dont il n'est qu'un rouage, parce que, évidemment, dans le système quand on passe du système de la pyramide au système du réseau, on passe, on pourrait dire, du cerveau au rouage. Hein. Et l'accident, la dimension imprévisible, c'est ça. C'est-à-dire que chacun devient l'agent imprévu de quelque chose qui lui échappe. Parce que, en fait, on subit, en réalité, beaucoup plus le monde, hein, tel plutôt qu'on a la main aujourd'hui sur lui, plutôt qu'on le dirige. Et c'est ce que racontent tous les films, enfin, progressivement les films de Michael Mann, qui sont quand même des films qui, à la base, nous disent tous les personnages pensent avoir la maîtrise du monde et ils ne l'ont jamais. Voilà. Jusqu'à des moments d'hubris un peu étranges. Hein. Je veux dire, Vincent dans Neil dans Heat est vraiment quelqu'un qui, à un moment, fait cette erreur fatale de croire qu'il va pouvoir tout maîtriser. Hein, il va pouvoir avoir la main sur à la fois sa compagne, son problème existentiel, se venger de Wayne Gros, tout va bien. Pourtant, son mentor, joué par John Voight, lui dit, tu sais, tu ferais mieux de réfléchir, t'as déjà la moitié, c'est bien. En gros, c'est ça. Mais lui, il a ce moment, il est pris par le fantasme, mais un peu comme l'est aussi, d'une certaine manière, James Caan dans Le Solitaire. Hein, cette idée que tu vas pouvoir tout maîtriser. Et en fait, on est dans un monde où on maîtrise strictement plus rien. Jusqu'à le sobriquet qu'utilise, moi, que j'aime beaucoup, Hathaway, dans Black Hat, quand il dit « je suis le Ghost Man ». C'est pas rien, hein. c'est pas Casper le fantôme dont il parle. Hein. C'est qu'il est en train de nous dire, aujourd'hui, on est des fantômes. Est-ce qu'on peut reconquérir notre humanité? Ça veut dire aussi l'affect chez Michael Mann. Chez Michael Mann, l'affect, c'est quelque chose d'extrêmement important. Enfin, c'est ce qui signale l'humanité ou pas. Je veux dire, soit on est du côté de la perte d'affect, donc c'est Vincent, c'est le FBI, le Public Enemy, Collateral, etc. Ou alors on est du côté de l'affirmation de l'affect, mais le problème de l'affirmation de l'affect, qui suppose une forme d'indépendance, d'énergie, etc., n'est pas compatible avec le monde aujourd'hui tel qu'il est. Justement, ce rapport à l'espace qu'entretient Mann, à ton avis, quelle place il aurait eu s'il avait pu concrétiser un projet de western qu'il a eu ? Justement, cette disparition de cette architecture moderne qui est aussi au cœur de ses films. D'autant qu'on connaît et on voit à tout instant, on pourrait presque dire, sans vouloir faire des comparaisons hâtives, mais que quand on voit de Garrett et Billy le Kid, qu'on voit un film de Michael Mann avant l'heure. Donc on connaît aussi son... Enfin, évidemment, on pense à Hawks, on pense à Ford, donc on connaît toutes ces influences-là. Enfin voilà, je me rejoins à la question de Manu. Mais oui, oui, bien sûr. Mais encore une fois, Mann, c'est pas quelqu'un qui est arrivé comme ça avec ex nihilo dans le cinéma américain. Il a parfaitement, il s'inscrit dans une histoire, voilà, qu'il a choisi lui, hein, mais qui est réelle. Peckinpah, c'est une évidence absolue. Pas de Garrett à la Ronde Sauvage. Enfin, mais c'est pas que ça. C'est pas uniquement une affaire de citation, parce que c'est jamais très intéressant. Dire tiens, j'aime tel film, je l'ai vu. Regardez, je le cite, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est que Mann, en fait, il s'inscrit dans une histoire de cinéastes qui ont été touchés ou qui ont réfléchi à des problèmes similaires aux siens dans d'autres conditions à d'autres époques. C'est ça l'histoire du cinéma de Mann. Et Peckinpah, enfin, La Horde Sauvage ou Pas de Garrett, sont des films qui sont manniens avant l'heure, dans le sens où ils mettent deux personnages. Il aimait aussi beaucoup les couples d'hommes, Peckinpah. Pas de Garrett et évidemment Pike Bishop et Robert Ryan dans La Horde Sauvage. Il s'intéresse donc ce couple-là est quelque chose qui anticipe ce que va devenir le couple d'hommes chez Michael Mann. C'est aussi des personnages qui, notamment un film comme Pas de Garrett, qui met très exactement en scène ce moment où d'un seul coup la justice et la loi se sont décollées. Sont devenus deux entités qui parfois se recoupent, mais pas toujours, ce qui va devenir le centre de tout le cinéma de Michael Mann, et même le sujet des Mohicans. Hein. Donc ça, c'est quelque chose de typiquement, on pourrait dire, qui vient de Peckinpah, et que va, c'est une ligne que va reprendre Michael Mann. Peckinpah, c'est aussi quelqu'un qui s'est installé toujours, mais ça, c'est un peu comme dans l'Ouest de Léon, qui s'est toujours installé à des moments de changement. C'est-à-dire, un monde est en train de disparaître, un autre est en train d'apparaître. Ça, c'est l'endroit où se placent les films de Mann, et parfois de Peckinpah, et puis d'autres, hein, de Visconti, etc., etc. Mais c'est des cinéastes de l'entre-deux. Et Mann se situe toujours aussi dans cet entre-deux-là. Il nous montre toujours quelque chose en train de disparaître, dont on se rend compte que c'est en réalité, c'est désuet. C'est obsolète. Et quelque chose d'autre dont il essaie de choper le contenu, la forme, le fonctionnement, etc., qui est en train d'apparaître. Et cette position d'anachronique, parce que Peckinpah était aussi vraiment un cinéaste obsédé par la question du dépassement, de l'anachronique, du retard, etc., etc., est quelque chose que reprend totalement Michael Mann. La Horde Sauvage, c'est un film qui se passe au moment du capitalisme naissant. Hein. On est au début des années 2010, fin de la frontière, les voitures, les sulfateuses arrivent. Et l'agence Pinkerton, je ne sais pas si vous avez un peu en tête La Horde Sauvage, j'espère que oui, c'est quand même un film de chevet. L'agence Pinkerton dans La Horde Sauvage, c'est ça. C'est d'un seul coup l'intérêt économique, presque les proto-sociétés capitalistes qui se mettent à utiliser en réalité la loi à leur service, exactement comme dans les Mohicans, exactement comme dans Ali, comme dans tous les films de Michael Mann, hein, qui racontent ce moment où la loi a été adossée à un intérêt capitaliste et dont il a cherché l'archéologie dans les Mohicans. Et sur ce point-là exactement, on sait que tu travailles en parallèle, que bientôt sortira un film sur Michael Cimino qu'on a super envie de voir. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport entre Mann et Cimino sur ce point-là, sur le rapport à la loi, aux institutions, au pouvoir en place, je pense surtout à la Porte du Paradis. Oui, non, mais bien sûr que c'est des cinéastes qui il y a un cousinage évident entre Mann et Cimino. Après, la comparaison est toujours complexe parce que on peut dire oui, il y a une mélancolie qui traverse les deux. Il y a un rapport compliqué au temps, voilà, ou plutôt à l'époque, Cimino, voilà, quand il tourne Le Canard d'Or en 74, on voit déjà que c'est un cinéaste qui est pas complètement de son temps, quoi. C'est-à-dire que aller chercher Eastwood à un moment où il vient d'être traité de fasciste par Pauline Kael 2 ans auparavant, il est persona non grata auprès des gens de Nouvelle Hollywood, c'est bizarre. De prendre des anciens de la guerre de Corée en costard noir, enfin, donc en fait, Le Canard d'Or est vraiment un film, mais volontairement anachronique, hein, qui se sert des voitures comme des chevaux, qui va aller redécouvrir l'espace américain. Enfin, il y a quelque chose d'anachronique dans Le Canard d'Or et qui a été aussi, intéressé aussi beaucoup Cimino. Hein. Enfin, ouverture de la Porte du Paradis, Christopherson, il rentre dans le film comment ? Il rentre en retard. Et il le quitte comment ? En retard. Si ce n'est qu'il est tellement vieux que maintenant c'est fini, il ne reste plus qu'à être immobile et à pleurer sur le bateau. Donc ça, c'est son côté très fitzgéraldien, quoi. Mais voilà, donc je pense qu'il y a évidemment des rapports entre Mann et Cimino, si ce n'est que ce qui a obsédé, on pourrait dire, Cimino, c'était la question de l'Amérique. Alors que ce qui obsède Mann, c'est la question du contemporain. Ce qui fait que Mann n'a aucun problème à quitter le territoire américain à un moment pour aller explorer cette question-là, d'où l'Asie dans les années 2000. Chimino, pas du tout. Chimino, son truc, c'est l'Amérique, c'est être américain, l'idée américaine, le peuple américain, le fantasme de l'Amérique, Stanley White, l'Année du Dragon, quoi. Et quand, oui, quand il quitte le continent américain, c'est pour mieux en parler vu de loin. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, enfin, tu fais référence aux Siciliens. Aux Siciliens, mais aussi à certaines scènes de l'Année du Dragon, justement. Oui, bien sûr. Mais on voit bien que, et en fait, il est moins à l'aise. C'est-à-dire que quand il va tourner Sicilien, il rentre dans l'image d'Épinal qu'il a en l'occurrence de la Sicile, puisque Cimino détestait le film de Francesco Rosi, Salvatore Giuliano, que moi je trouve extraordinaire, parce que ça correspondait pas à son image de ce qu'est la Sicile, quoi. Et il y a, voilà, on est un peu dans un chromo par moment dans le Sicilien. Le territoire de Cimino, c'est le territoire américain, point barre. Alors que parce que c'était un cinéaste qui, à mon avis, qui était plus la question de l'analyse politique, je pense, l'intéressait moins. En fait, le personnage, il y a qu'à voir Voyage au bout de l'enfer, il a toujours dit la guerre du Vietnam, c'est pas le sujet du film, etc. Ce qui compte, c'est la catastrophe qui touche une communauté. Cette communauté-là qui m'intéresse. Et cette catastrophe aurait pu s'appeler la guerre du Vietnam, un tremblement de terre, peu importe. Comment est-ce qu'on se reconstruit après ça? Mann, pas du tout. C'est quand même. Mann, c'est vraiment un cinéaste politique, c'est-à-dire qu'il est toujours intéressé par l'analyse politique. Et donc. Comme évidemment il s'intéresse à ça, il a conscience que la frontière américaine, même si l'Amérique soft power, modèle, etc., et à partir de la fin des années 90, début 2000, cette question-là, elle s'est un peu déplacée. Et que, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup la façon dont. En fait, je pense que pour Michael Mann, les États-Unis vont devenir un peu l'ancien monde. En réalité. Et je trouve que quand on regarde ces derniers films, notamment Black Hat, le passage par les États-Unis dans Black Hat, c'est quoi? C'est un essai de modèle, c'est un motel miteux. Voilà. Donc, Mann est en train de comprendre ça. C'est que le contemporain est en train de quitter le territoire américain. Et donc, lui, il va le quitter aussi. Et dans Black Hat, il l'a déjà fait. Tant qu'on est sur cette question, alors, pour Michael Mann, le contemporain, maintenant, il est en Asie, est-ce que, selon toi, si Michael Mann, c'était le parfait cinéaste, c'est celui dont tu vas montrer les films pour parler des années 90, des années 2000, aux générations futures, là, aujourd'hui, est-ce qu'il y a 1, 2, 3 cinéastes, sans doute peut-être asiatiques, qui te semblent, en tout cas, documenter vraiment les années 2010? Oui, et en tout cas d'être vraiment pleinement en phase avec leur époque, peut-être même être en avance. Écoute, je pense qu'il y en a, plusieurs, mais prenons l'exemple d'un film qui est pas mon préféré, un Parasite. Qui a eu un succès énorme. C'est aussi intéressant de voir, parce qu'on a toujours une façon de réfléchir au cinéma, et c'est tout à fait normal, de façon très nationale, par genre, par... Voilà. Mais ça m'intéresse toujours de voir comment des préoccupations ou des analyses ou des idées circulent, en fait, parmi les différents continents, et même parfois entre les époques. Hein. C'était le rapport entre Edward Yang et Michael Mann, Taipei Story, qui est un film qui, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, que je conseille de regarder, un film des années 80, et on voit combien à un moment, Edward Yang, lui avec Taïwan, la modification de la société taïwanaise, l'urbanisation massive, l'arrivée du capitalisme, la disparition des traditions, des vieux quartiers, la façon dont les personnages, les hommes et les femmes, ne sont dans un rapport antonionien d'un seul coup à l'autre et au monde, sont des choses qui sont exactement comme chez Michael Mann, mais on est à Taïwan et Michael Mann est aux États-Unis. Moi, je citais Parasite parce qu'on voit bien combien la question économique est toujours quelque chose de capital. Moi, je pense que indépendamment de Marx dont on a parlé tout à l'heure, je pense que analyser le contemporain, c'est aussi une capacité à toujours détailler ou à décortiquer le fonctionnement économique du monde. Mais c'est vrai de Antonioni en fait à aujourd'hui. Et Parasite est un film qui revient à ça, qui ne cesse de nous rapporter non seulement la question économique, le rapport de classe, comment on évolue par rapport à ça, etc. Et moi, dans beaucoup de films de Bong Joon-ho. Pardon ? Dans beaucoup de films de Bong Joon-ho, on trouve cette question. Le cinéma asiatique est, qui a subi une espèce de transformation extrêmement rapide et brutale de ça, de la même, c'est quelque chose qui l'obsède naturellement beaucoup plus, me semble-t-il, que le cinéma français, bon ça évidemment, ou que le cinéma américain même contemporain. Le cinéma américain, je le trouve, on parlait il n'y a pas longtemps là, de Nomadland, etc. En fait, il fait un espèce de constat un peu ronronnant qui est toujours le même, la grosse entreprise contre la petite entreprise. C'est à mon avis des visions et des combats et des schémas un peu datés hein, de ce point de vue-là. Un film comme Nomadland, pour moi, est un film qui est vraiment en retard sur l'époque si on compare ça au film de Michael Mann. Et donc, bon, moi, le cinéaste asiatique dont je dirais qu'il est le plus en phase avec ça, mais c'est un peu comme la rétrocession a obsédé les cinéastes de Hong Kong à la fin des années 80. Moi qui étais un grand amateur de polar hongkongais à la fin des années 80, début 90, des films de Choi Art, de Ringo Lam, de Gorkong, enfin ces gens-là, c'était leur obsession, c'était vraiment ça. Et ça, c'est asiatique aujourd'hui, moi je dirais que c'est Jason Koe. Moi je pense que c'est celui qui se pose en permanence la question des répercussions, parce qu'en fait c'est ça qui est intéressant, on n'est pas en train, c'est pas des documentaires de militants, ce sont pas des films à thèse, mais qu'il faut sans cesse les répercussions en fait des changements économiques, urbanistiques, etc. sur des communautés ou des individus en particulier. Et Jason Koe, ce qui fait que par moment il peut passer par le film de genre et il comprend ça d'une certaine manière. Encore une fois, il faut que la critique elle porte, etc. Mais le film de genre n'est jamais, comme chez Mann, que le cheval de Troie pour parler d'un problème de chômage, le barrage, une délocalisation, enfin voilà, la déshumanisation que produit la société contemporaine. Et je pense que si voilà, je devais en choisir un, Mountain May Depart, qui est un de mes films préférés, avec des personnages qui ne réagissent pas tous de la même manière. Parce que ce qui est aussi intéressant, mais aussi bien chez Jason Koe que chez des cinéastes comme Michael Mann, ou pour revenir à un cinéaste dont on parlait tout à l'heure, un film comme dans The Livre de John Carpenter, c'est que une fois qu'on a fait la même analyse, en fait, tout le monde ne se positionne pas ou ne rentre pas dans le même camp une fois qu'on a fait cette même analyse. Je pense à dans The Live, c'est le moment où certains du camp des SDF ont préféré collaborer avec l'ennemi. Ils ont une coupe de champagne dans la main, ils sont en costard. D'accord, c'est extraterrestre, mais c'est la belle vie. Et est-ce qu'on peut leur en vouloir? Non. Et donc je trouve ça intéressant parce que Jason Koe, lui aussi, il prend en charge la diversité. C'est pour ça que c'est le contraire du manichéisme. Enfin, pour moi, un grand film politique est un film qui d'abord s'attaque d'abord à la complexité d'un sujet et surtout à la qui respecte les impulsions renoiriennes des individus. Hein, cette fameuse phrase d'Octave dans La Règle du jeu, ce qui est terrible dans ce monde, c'est que chacun a ses raisons. Donc c'est de là qu'il faut partir. Donc, et je trouve que Jason Koe est pour moi le cinéaste asiatique, hein, c'est la question que tu posais, le plus en prise avec ça. Je pense que si dans 20 ans on a envie de comprendre, ça sera Jason Koe. Voilà. Ok, super. Eh bien, je pense qu'on va conclure ici. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Lucien. Merci, Manu. Et merci, un énorme merci à Jean-Baptiste d'être... Merci à tous les trois. C'était un plaisir de parler avec vous de Michael Mann. D'être venu derrière nos humbles micros. Merci à Benjamin. Merci à Radio Rectangle. Et le livre, bien sûr, Mirage du Contemporain. Michael Mann, Mirage du Contemporain, chez Flammarion, dans toutes les bonnes librairies. Et merci à Flammarion, Béatrice Mocard, d'avoir pu organiser cette rencontre. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Ciao.